IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Ouais. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, ok. Ça fait Adrien Méniel. Adrien Méniel. Il aime quoi? Il aime son chien, mais il aime aussi le hip-hop. Ça fait Adrien Méniel. Adrien Méniel. Merci. C'est un bon début, non? C'est pas mal. Je l'ai dans la tête. Si Adrien et moi étions un peu les Black Eyed Peas du podcast, moi Will.i.am et Adrien Tabou, elle est incontestablement la Fergie qui a fait cette émission. Pardon, Tabou, c'est l'Indien? C'est l'Indien. T'as quelque chose à dire? Bah, c'était soit ça, soit le Big Loucher. Tu choisis. Y en avait... Enfin, tu pouvais être Will.i.am aussi, mais. Non, mais ouais, je sais plus. Je sais plus. Bon, en tout cas, elle, c'est un peu la Fergie qui a fait de cette émission le Elefunk du podcast. C'est Pyjama! D'ailleurs, il est pas du tout indien, il est natif américain. Ah, c'est ça, je crois. C'est vrai que tout le monde a un peu dit l'indien. Je sais pas, tout le monde dit. Qui, c'est pas Orelsan qui dit tu sers à rien comme l'indien des Black Eyed Peas? Je sais plus qui dit qui ça. Dit ça. J'ai déjà entendu. Je pense que tu viens de l'inventer, mais c'est pas mal. Non, mais c'est parce après, que il fait du rap. C'est ça qui m'a fait dire c'est cool d'être comparé au mec qui sert à rien, quoi. Non, mais il y a. Il y avait d'autres trios, quoi. Bah, trouve-en, j'ai un peu cherché. Ah ouais, les inconnus. Il y a pas de femme. Non. Trois cafés gourmands. Pardon, il y a une femme dans les trois cafés gourmands. Bien oui, sûr. Est-ce qu'ils ont commencé deux? En fait, je cherchais un groupe qui a commencé sans femme. La femme est arrivée et le groupe a explosé. L'impératrice. J'avais Chaka Ponk. Mais bon, c'est l'impératrice, ouais, les mieux. L'impératrice, c'était ouais. Ça. Ouais. C'est bah, quoi exactement. Mais personne ça. Connaît, c'est ouais, ça. Les Black Eyed Peas, vous avouerez que c'est plus connu quand même. C'est très parisien, c'est vrai. Non, c'est assez connu maintenant. Dans le milieu des jeunes, en tout cas, ils écoutent beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Dans les rooftops. C'est très festival, ouais. C'est très spritz. Je partais du principe que Black Eyed Peas était plus connu. Apparemment, je me trompe. Tu te trompes pas. Il s'est noyé dans un verre d'eau. D'être comparé au mec vraiment qu'on oublie dans les Black Eyed Peas. Bon, on peut peut-être passer à l'autre bah invité. Oui, bien sûr. En fait. Non. Notre deuxième invité, il a changé de lunettes. C'est Léopold Lemarchand. Wow. Oh, ça va, vous l'avez vu dans des sketchs sur Internet, voir, bien stop, sûr. Stop, non, et en ce moment, il monte sur scène. Oui, je commence à monter sur scène, effectivement. Comment ça se passe? Il a fait, là où alors on parle, il a joué 30 minutes hier. Oh là là, alors, ah ouais. Man. Gênant. Ben, parfois. C'est arrivé très rapidement parce que je commence à monter sur scène depuis le début de l'année, là. Et donc, c'est arrivé très vite, le 30 minutes. Généralement, c'est un truc que tu fais au bout d'un an. Et ouais. Ah, toi, t'as bâclé? Ouais. Non, t'as bâclé ou t'es un génie? Ouais. Non, bah vraiment, ni l'un ni l'autre. Ouais. Non, on a fait ce qu'on pouvait. C'est vrai qu'avec Babor, on écrit beaucoup. Tu écris avec Babor, c'est vrai. Ouais, qu'il ouais. Invité il y a pas longtemps. Je voulais pas forcément l'annoncer, mais vu qu'il l'a fait dans le dernier Floodcast, Génial. Ça s'est imposé à moi finalement. Oh merde, l'horreur. Il a spoilé. Non, mais que dalle, c'est juste que. Non, mais aucun souci. Mais ouais. Et tu veux, d'ailleurs, tu vas au random. T'as tout ce recoupe. C'est au random que tu l'as testé en plus, ton 30 minutes. Le 30 minutes, ouais. Ouais. Et donc, j'ai joué devant des producteurs, donc c'était un peu stressant. T'as chié dans ton froc? Attends, ouais, ah, donc c'était avant-hier? Hier. Avant-hier soir, t'as raison. Oui, avant-hier, merci, excusez-moi, j'ai craqué. C'est ma faute. Pardon, Pauline, hey, ça rien m'énerve. Nous allons passer donc au jeu du Floodcast. Avant toute chose, j'aimerais tout de même m'excuser auprès des auditeurs qui ont eu récemment des petites publicités pour PMU. Voilà, le pari d'équitation. Ah. C'est pas notre truc préféré. Voilà, des fois avec Acast, on a des petites voilà, des trucs se font pas. Oui, forcément. Ça passe dans les mailles du filet. Voilà, c'est la faute. C'est la faute à personne. C'est la faute à pas de chance. C'est ça. Et la pub pour la bière. Bah, c'était pas notre faute non plus. C'est alors, ça. Vos petits tweets de merde. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, ils font de la pub pour de la bière. Déjà, on fait pas de la pub. On choisit pas. Adrien, donc arrêtez. Non, mais c'était pas le but du message. Chercher la polémique à tout prix là. Tu te justifies beaucoup, je trouve. J'ai eu un tweet. Alors, je sais pas si c'est du premier ou du second degré. Si c'est du second degré, c'est très drôle. Si c'est du premier, hélas, un débile. Et je m'excuse auprès de lui s'il nous écoute. Qui disait que on avait. Tiens, t'as parlé de l'anniversaire de Big Flo. Il y a pas longtemps, ah, oui, où tu disais oui, qu'il oui. avait noté les cadeaux. Ah, c'est vrai, ça. Et oui. Quelqu'un a tweeté en disant que c'était horrible en fait. Et en vrai de vrai, on peut complètement penser ça, tu oui, vois. Bien sûr. Ça peut être horrible. Quelqu'un a quand même répondu. De toute façon, le Floodcast aurait trouvé ça nul, mais vu que c'est leur copain Big Flo qui finance l'émission. Donc voilà, si c'est un troll, pas mal. si c'est premier degré, j'adore peut-être plus. Donc, depuis avril 2022, certaines compagnies aériennes ont rendu payants les bagages en cabine. Quel mode aux États-Unis est de plus en plus utilisé par les voyageurs afin d'éviter de payer ce petit supplément? Ils s'achètent des gros manteaux avec plein de poches. Moi, j'ai remarqué, tu balances trop vite les sujets, les titres des... À une critique, déjà. Ouais. Et du coup, rapide, en fait... Excuse-moi. On peut couper. Je comprends que la moitié de... J'écoute à la moitié de l'énoncé. Ah, je vais trop vite en posant les questions. En fait, il n'y a pas de transition. On parle d'un truc et directement, tu donnes... c'est vrai, il y a peu de jingle et tout. Non, c'est juste que là, du coup, j'ai entendu que la moitié du. Très bien. Mais je vais reprendre. De toute façon, la réponse, ça va être le sperme ou le caca. Donc, il faut pas écouter. C'est pour critiquer. Tu ne finances pas le. Contrairement j'ai à Big Flo, pas les moyens. Pas les moyens. Je comprendrais le retour. Là, en l'occurrence. Big Flo aurait dit ça, j'aurais été d'accord avec lui. Non, c'est vrai, fois je vais un peu vite, mais là, en l'occurrence, Adrien, t'as un peu donné la bonne réponse. Ah bon, bah. Effectivement, mais je demande. C'est une question. Enfin, la réponse est un peu plus précise que ça. C'est quel genre de vêtement? Une doudoune? Alors, pas une doudoune. Une parka? Pas une parka. Un trench? Pas un trench, donc effectivement, un vêtement sac. Avec pas mal de poches pour pouvoir ranger plein un de choses. Un manteau de pêche? Ah oui. Il y a une veste de pêche qui dispose de grandes poches. Bah, c'est Tequilatex, tout simplement. C'est des petites poches. Hein. Il y a aussi des grandes poches, t'as un peu les deux. Hein. Je crois pas. Il y a des poches moyennes. Si, je pense qu'il y a des grosses poches et des petites poches. Tout type de poches. Et je vais regarder. Big Flo aurait dit ça, j'aurais dit oui, t'as raison. Les poches sont sans doute toutes petites. Le gilet de pêche va-t-il progressivement s'imposer comme l'indispensable des vols low cost? Depuis avril 2022, la compagnie Ryanair fait payer, en plus du prix du billet, un supplément pour des bagages en cabine. Sachant que. Moi, de base, le supplément bagage, j'ai toujours trouvé ça fou de le faire payer, parce qu'en vrai de vrai, bah... C'est honteux. C'est comme payer un supplément pour son chien dans le train. Oui. Eh ben, tu payes pour être moins bien installé, et il n'y a aucun aménagement pour ton chien. La SNCF aussi, tu payes... Horrible. Cela dit, c'est moins cher maintenant. Maintenant, c'est 7 euros. C'est 7 euros, ouais. Avant, c'était la moitié du prix du billet. Ah ouais. Donc, si tu prenais un billet pour Marseille au dernier moment qui coûtait 120 balles, donc, tu payais 60 balles pour que ton chien soit à tes pieds et donc t'as moins de place pour tes jambes et tout. Sauf que technique, toi qui as un petit chien et moi qui ai un petit chien, tu le mets sous le siège et tu caches un peu le chien. Et sauf si quelqu'un te balance dans le wagon, ce qui m'est jamais arrivé. Ah, toi, tu prends pas de billet, toi? Non, ça m'énerve. Rebelle. Et parfois, on me met des amendes qui peuvent aller jusqu'à 50 euros. Mais ça me donne l'occasion de me vénère un peu devant parce tout le monde. Parce qu'en plus, j'accuse. Il doit être muselé, normalement, le chien. En plus. Oui, et puis moi, il n'y a même pas de si petite muselière, c'est ridicule. Mais bien non, ça n'existe pas. À la manière des poches, il y a tout type de format de muselière. Ouais. Arrête de croire qu'il n'y a qu'un format de chaque chose. C'est ton défaut, ça, j'ai remarqué. Vous me tendez. Ok, on va se calmer. Mais ceci étant, je tiens à le dire, pour les bébés, la SNCF, c'est pas mal. Alors, c'est gratuit pour les moins de 3 ans et tu payes. Vraiment 10 balles pour que l'enfant ait un siège. Alors que pour le coup, eux dérangent tout le monde. Alors qu'eux peuvent que un peu déranger. C'est la même taille qu'un chien. Il y a des chiens plus. Horribles aussi, des chiens puent. Ils font pas de bruit. Non. Oh, l'odeur quand même, souvent. Non. Souvent. Le bébé pue. Les bébés vomit. Sont moches, les petits chiens sont adorables en plus. Alors moi, non, moi j'aime les deux, mais. Il y avait deux bébés et je l'ai même pas tweeté, comme quoi c'est possible. Je le dis juste dans un podcast avec une énorme audience. Alors il y avait deux bébés qui est vraiment. J'ai jamais vécu ça. Mais c'était incroyable. Je pense qu'il y en a un qui était possédé vraiment, quoi. Ah ouais. Il hurlait, mais. Et après, tu te dis, il est peut-être malade cet enfant, tu vois. Donc, le gilet de pêche. Il faut savoir que dans les années 90, on a vu l'apparition de compagnies low cost qui ont tenté de maximiser leurs bénéfices. Là, il a dit n'importe quoi. Là, il a clairement dit n'importe quoi. Les années 1990 ont vu l'apparition de compagnies low cost qui ont tenté de maximiser leurs bénéfices en intégrant comme supplément des options qui n'étaient pas considérées comme telles auparavant. Et en effet, avant 2022, seuls les bagages en soute étaient considérés comme un bonus par les compagnies aériennes. À moins de voyager uniquement avec un sac à main, les prix proposés par les compagnies à prime abord peuvent largement augmenter au fil des options choisies. Et il faut savoir que c'est un vrai sujet aux États-Unis, puisque le président lui-même, Joe Biden, le 7 février 2023, à l'occasion de son discours sur l'état du pays, a exhorté. Ah non, mais je vous le dis, le verbe exhorter. C'est un exhorteur énorme. Le Congrès a voté la loi de prévention sur les frais dissimulés. Par exemple, le gouvernement américain a par exemple pensé à obliger les compagnies à afficher dès le départ le prix intégral du billet d'avion plutôt que ce truc où au fur et à mesure, si vous voulez ci, vous voulez ça. Ah, les options. Okay, c'est voilà. Je trouve ça très bien. C'est pas mal. Bravo, c'est Joe sport, Biden. Ça, merci. Bravo, Joe. Important. Oui, c'est très important. Les guns dans les écoles. Ça, c'est bon. On s'y est fait. On commence step by step. Savez-vous qui est Big Mouth Billy Bass? Bah c'est un poisson. Il fait du beatbox. Ok. C'est le poisson qui chante là. C'est le poisson. Putain, mais ah, il a le toutes les réponses de le début. Mais ils en parlent dans chaque floodcast en même temps de ce poisson tu qui déjà, chante. Tu dis floodcast, ça m'énerve. Je sais plus ce qu'il faut dire. Il faut dire tout ce que tu veux. Non non. Ce que tu veux. Floodcast. Tu dis quoi? Flood. Et bah dis-le toi la réponse. Dis-le, tranche. Comment tu dis une inondation? C'est floodcast. Une inondation? En anglais. Flood. Flood. Ah non, mais tu peux dire comme tu veux, il n'y a pas de règle ici. Ah non, il y en a? Il y a beaucoup c'est de règles. C'est Floodcast. Ah ok, d'accord. Appelez peut-être Big Flo pour qu'il décide vu que c'est Floodcast. C'est oui, j'en parle parce qu'effectivement, on en parle dans plein d'émissions. J'avais même pas fait gaffe que dans chaque émission, on en parle. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion peut-être d'en parler un petit peu. Big Mouth, parce qu'on n'en parle pas assez. Bah oui, c'est important. Hein. Big Mouth Millibass est un nashigan. Je savais même pas que ça existait. C'est quoi? C'est un poisson. C'est marque de poisson. La marque de poisson. Voilà, à grande bouche, inventé par Jimmy Industries le 16 décembre 98. Il y a une version spéciale Vacances de Noël qui est sortie, ça je vous le donne en mille, avec un petit chapeau de Père Noël. Ça j'aime bien, ah, très ça, mignonne. J'aime bien. Très sympa. Et en 2018, il faut savoir que c'est toujours pas fini. Jimmy Industries s'est associé à Amazon pour créer une version compatible avec Alexa. Oui, j'ai vu ça aussi. Qui fait que ça se couple à n'importe quel appareil Amazon Echo via Bluetooth et peut bouger la bouche lorsqu'elle répond aux commandes. Moi j'avais Alexa. Vu un mec qui l'avait fabriqué lui-même, mais du coup c'est devenu un vrai. Non, ça c'est encore après, en fin 2021. Okay. Bien joué. Un utilisateur de TikTok, si Kevin c'est de la tech, pardon. Eckhart a piraté, j'aime bien le terme piraté pour parler du Big Mouth Billy Bass, pour non seulement synchroniser les lèvres avec n'importe quelle piste vocale ou chanson, donc, parce qu'avant il fait juste ça. Là, l'idée, c'est qu'il fasse un peu mieux les lèvres. Oh. Mais aussi danser via des mouvements de tête et de queue sur n'importe quelle chanson jouée via n'importe quelle connexion de haut-parleurs intelligent. S'il fait là, je mets de la musique et Billy Baff, il chante et il bouge, machin. C'est moi, je veux pas ça chez moi. Ah, pourquoi? Parce que c'est Amazon déjà. Ah, bien joué. Oh. Putain. Et aussi non, que j'aime pas les poissons et les oiseaux, j'aime pas. Tu commandes rien sur Amazon? J'ai déjà commandé sur Amazon, mais vraiment. Et alors, droitarde. J'ai déjà commandé facho sur Amazon et à chaque fois, j'ai commandé les choses en deux fois. J'ai tous les objets en deux fois. Et pourquoi? J'appelle les flics. Grosse facho. Et est-ce que vous savez quelle célébrité a un Big Mouth Billy Bass affiché sur son piano à queue? Elton John. Non. Mais on est dans l'Angleterre. T'as été dégoûté qu'on dise le truc en même temps? Non, moi, j'ai eu peur. T'as fait genre. Oh merde. Non, alors, j'ai eu peur. Freddie Mercury. Non, pas Freddie Mercury. Il est mort. Il est mort. Et il est mort? Ouais. Merde. J'adorais ce mec. L'embrasse. Je sais pas qui c'est. Ah déjà? Le père d'Adrien. C'est pas, ce n'est pas un mec. C'est une femme avec un piano, ça m'étonnerait. Il y a Tina que Turner. Pas Tina Turner. Attends. RIP, la Queen. Une femme avec un piano, ça va, elle trouve moi. Barbara Streisand. Non. Elle est française. Elle, est... elle n'est pas française, elle est anglaise, je vous l'ai anglaise. Dit. La relou. C'est. Morte. Anglaise morte. Morte il n'y a pas si longtemps. Amy Winehouse. Non, pas Amy morte Winehouse. Morte il n'y a pas si longtemps. Elle est anglaise. Elle était âgée. Je sais même pas. Non, je crois qu'elle est américaine. Elle était très âgée. Très âgée. Ah, Aretha Franklin. Non, elle est morte il y a longtemps. Puis pas non. Anglaise en plus, je crois. Ça va. Genre, ça va, je travaille les aux amours. Ça va. Tu veux un carton? Tu veux lui taper sur la tête? Une anglaise. Attends, juste quel style? Est-ce que c'est plutôt de la pop? La reine d'Angleterre. De la soul. Tout simplement. En fait. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Mais non. Je croyais que. Alors Florent a prévenu qu'il était très fatigué. Je suis dans un état de fatigue. Si vous voyez sa gueule. Je suis en train de conclure un peu. Sa pauvre gueule. Ouais, je trouve que ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Hein. Ça s'entend un petit peu. T'es comme d'habitude. Les yeux. Ouais. Vous voyez pas, mais il bave là. Pauline, t'as l'habitude de côtoyer des gens un petit peu. Olé, olé. Un petit coup dans le nez, mais. Non, c'est effectivement Léopold qui a la bonne réponse. C'est la reine d'Angleterre qui avait ça. Je croyais qu'on cherchait une pop star, pas une meuf grave chiante et vieille, tu oh vois. Oh, wow, clash wow. La reine colonialiste. Oh, ah, y a pas très longtemps, j'ai joué. Elle à... en a fait qu'une bouchée à la reine. Oh, il t'a coupé par c'est contre. Pas grave, ça valait le coup. Bien attends. Mieux ce que je vais dire. Donc, ah non, vas-y, dis. J'ai pas compris. Y a pas très longtemps. Bon, je le dirai pas, je pense. C'est ça. J'annule tout. Il y a pas très longtemps, vous allez voir, c'était très décevant. J'ai joué à Call of Duty en ligne. Arrête de dire tout avec des ou. T'as dit Call of Duty, un truc comme ça. Non, non, bon. Ça là, si, il y a là, eu un truc. Il y a eu un truc. Il y a eu Call of Duty. Ouais, là, je suis ouais, merci. C'est parce que Fayot. Bon, alors oui. Non, attends, je jouais à Call of... attends, tu finances pas le Floodcast. Je retire ce que j'ai dit, pardon. Grosse merde. Non, mais c'est décevant. On va faire monter la sauce comme ça. Dis-le. On fait un décompte. Super anecdote de Léo. Jingle. 3, 2, 1, top. Alors, il n'y a pas très longtemps, je jouais à Call of Duty en ligne. Oui. Et je jouais contre des Anglais. Woo. Et ils étaient vraiment très énervés et limite à m'insulter. Et j'ai fini par gagner contre eux. Et donc je leur ai dit aujourd'hui vous avez perdu deux choses, votre reine et cette game. Oh, oh le mec, c'est Babor qui avait écrit la punch. Après ils m'ont dit que j'étais puceau. Bah bien sûr, voilà. Bah, dit, grave pas, j'ai beaucoup baisé. Comment on dit puceau en anglais? Puce. Virgin. Virgin. Oh. Like a virgin. Ah ouais, Madonna ça. Voilà. Ah oui, t'as raison. Joué. Un homme prétend avoir perdu plus de 20 kilos en suivant un régime spécial. À votre avis, quel régime? Ne pas manger. Non. C'est manger seulement un type d'aliment. Tout à fait. Du riz. Pas du riz. Poulet. Romain t'as Duris. Fait, t'as fait. Ouais, ouais. Romain Duris. Oui, là, t'as pas du riz. Hein. Du riz, oui. Romain Duris, Romain Duris. Il a, ah, oui, est-ce qu'il a juste bu du thé, genre? Il a mangé un truc qui est censé faire grossir, mais comme il mangeait que ça. Des burgers réponse. Du McDo. Allô. Bon, mais il a vraiment perdu 20 kilos. Adrien Méniel a trouvé la bonne réponse. Alors, c'est non, pas mais que il des trouve burgers. Toutes les bonnes réponses. Mais moi, je pense qu'il c'est financé par un Big Flo. C'est Olivier Giabodo, ce mec. Big Flo me donne les réponses à l'avance. Tu lui donnes de l'argent. Un homme donc, oui, il se nourrissait de McDo matin, midi et soir pendant 100 jours. Mais c'est le film, là. Alors oui, Super Size Me ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Donc, sachant que. Encore une news fausse. Alors. Bah, ce qu'il prétend est faux. C'est ça, potentiellement. Mais il y a quand même une petite subtilité. Il ne garde que le pain. Non, il réduit chaque jour un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, il prenait des énormes McDo et chaque jour, il a réduit au fur et à mesure les portions. Et de manger moins, donc. C'est, oui, c'est, oui, ça, oui, c'est ça, mais que du McDo quand même. Et résultat, ses taux de cholestérol, de sucre dans le sang sont améliorés et son risque de faire une crise cardiaque s'est amenuisé au terme de ses 100 jours. Il a perdu 20 kilos donc. Il était énorme avant ? Pas tant. Ouais. Pas tant. Il a été à 100, il est tombé à 80 à peu près. Okay. Et les médecins disent tout de même qu'il ne faut pas faire ce régime. C'est mais plutôt... pourquoi il l'a mais fait ça pour prouver ? Il c'est un prouveur. Il voulait prouver un truc. Peut-être d'accord. Faire son intéressant. Sûrement comme beaucoup de gens qui passent dans ce podcast. Et je ne parle pas que des invités, je parle de, non, de vraiment des bah gens. Si, je pense. Si, pardon, je parle de d'accord. Ouais. Paul McCartney. Ah. Bah oui, on parlait d'Angleterre. Il est fou ce mec. A déclaré que l'ultime chanson des Beatles allait sortir cette année. Quelle est oui, sa spécificité? Alors, je sais. Mais là de côté, oh, c'est un truc Paul de McCartney. Intelligence mais artificielle. Oui. Oh là là. Et ils vont nous remplacer, c'est ça? Non. La voix de. T'as un édito, je crois, un peu à un moment. T'as un édito. C'est hein. Ça. J'appelle. C'est peut-être pyjama, ça que tu c'est vas ça. M'annoncer. La voix de John Lennon va être reconstituée grâce à une IA. Mais ça a déjà été fait. C'est j'ai pas Paul entendu, McCartney il a chanté une chanson de Tame Impala. Bah, il enfin, ils ont mis la voix de John Lennon sur je sais pas quoi de Tame Impala et tous les hommes blancs étaient là, genre je me suis joué dessus, car. Car c'est parce les Beatles. Ils aiment que ça, en ils fait. Ils aiment trop les Beatles. Et Tame Impala. Non, là. Bah, alors, pas moi, donc. Ah, oh, mais toi, t'es. Attends. T'aimes quoi t'aimes t'as, est-ce que t'as une brise? Des groupes de femmes, t'écoutes des groupes de femmes. Bah Texas, les Cranberries. Je peux en citer plein d'autres. Lana Del Rey, t'as tout aimé, hein. T'as tout aimé, hein. Ouais, il peut en citer un milliard. Hein. Pourquoi non, c'est non. Que cette période-là? Parce que je. Oh. Je me demande pas, c'est leur blague, à... c'est votre blague à vous, j'ai rien dit, moi. Foutez-moi la paix. Des explications? Non, je ne connais pas Tame Impala du tout, jamais entendu. Je crois que je suis incapable voilà de pourquoi citer je m'en bats les couilles. Pour le coup, hein. Je pense que c'est pas trop ta génération. Parce que toi, ta génération, c'est Mozart. Non, ouais, ouais. Mais c'est genre quand on a 30 ans qu'on adore Tame Impala. Ah ouais, ouais, grave. Bah, c'est un de mes groupes préférés. Bah, qui voilà. Pas un groupe, puisque... Il illustre. Voilà. Qui est pas un groupe, mais ça, c'est encore le truc préféré de ces hommes-là qui sont fans. Arrêtez les oui, bon, quoi là, vos quoi-coups info, là. Du coup, à partir d'un certain âge, tu peux plus aimer les nouveaux trucs qui sortent, quoi. C'est impossible. Mais c'est des statistiques. Qu'est-ce que tu veux? C'est va voir. C'est des faits, rien. Demande à des gens dans la rue, peut-être. Tu veux faire quoi contre les faits? Donc, nous avons réussi à prendre la voix. J'ai essayé de trouver une blague, mais. Appeler Peter Pan? Non, bon. La voix de prendre. Les faits? Oui, je l'avais. Je l'avais. Nous avons réussi à prendre la voix de John Lennon et à la purifier grâce à l'IA pour mixer l'enregistrement. Parce qu'en fait, c'était sur une vieille cassette. Ah, bah, c'est... ça va, ça. Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles, nous dit Paul. Je me permets de l'appeler Paul. Il l'appelle Paul. C'est une maquette de John à partir de laquelle nous avons travaillé. Nous venons de terminer et cela va sortir cette année, a ajouté Paul McCartney. Okay, on a... Dans un délire un peu similaire récemment, dans The Flash, on a vu des acteurs décédés qui sont apparus à l'écran. Spoiler. Grâce à des effets spéciaux. Et vous êtes comment vous vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est. Vous pensez quoi de la technologie qui ramène sur le devant de la scène des gens décédés éthiquement? Adrien, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a... Je crois qu'on avait... Je sais pas si on avait déjà eu ce peut-être débat, pas avec mais... ses invités. Donc c'est pas avec ses invités, puis surtout, les IA étaient moins évoluées. Les IA étaient moins évoluées que... Bah là, on a atteint un stade où on remplit des stades. Une chanson. Non, moi, je me souviens d'avoir eu un débat sur les gens qui ne sortaient pas des chansons et ouais. Post-mortem, ils ressortaient ces chansons en album et je trouvais que c'était pas respecter la volonté de l'artiste. Horrible. Juste l'accord de la famille pour se faire de l'argent et oui, c'est ok, on peut sortir. Et du coup, par extension. Ah, mais c'est pour faire vivre l'artiste en fait. Bah ouais. Faire vivre la bonne thune, ouais. Et je crois qu'il y a zéro exemple de chansons posthumes qui ont marché. Enfin, c'est, en plus, c'est rare que les chansons... Il n'y a pas des trucs de Michael qui ont bien marché justement, après. Justement, je crois pas. Non. Là, le truc qui marche, c'est justement une IA de The Weeknd qui... Non, pas The Weeknd, du coup, mais une IA de Michael Jackson qui chante avec The Weeknd. Ah oui. Mais ça, tu peux pas faire de l'argent là-dessus, puisque c'est... Sur TikTok, un peu. Mais pas autant que quand tu ressors un... Il y a le documentaire sur Michael Jackson qui a pas mal marché après sa mort. Oui, ça. Non, je parlais de l'autre. Ah oui, pardon. Welcome to Neverland, ça s'appelle comme ça. Je crois pas que c'est Welcome, kids. Mais non, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les ABBA qui sont encore en vie et qui ont mis des hologrammes de eux pour faire une tournée. Et tout le monde est allé voir ça, je comprends pas le principe. C'est très bizarre, c'est vraiment avoir une flemme de faire des trucs. Quand c'est Tupac, c'est marrant, mais là. Mais même Tupac. Non, mais Tupac, il était mort en plus. Oui, ils sont vivants. Oui, c'est vrai. Envoyez les hologrammes. Non, mais du coup, on dirait un méchant Star Wars. Envoyez les hologrammes. Non, mais du coup, par extension, faire jouer un acteur dans un film pour lequel, par définition, il peut pas donner son consentement parce qu'il est mort, je trouve ça peut-être un peu bizarre. Il y a un chat qui essaie de rentrer par non, sa... mais c'est et pas qu'il Pauline. Essaie, il pose juste sa patte sur la porte et il attend que ça s'ouvre et c'est adorable. Il a réussi, t'as vu, la porte mais s'est ouverte et il est parti. C'est parce que mais j'ai plus mon chien en ce moment, du coup je suis... Pourquoi tu l'as... Décédé. Non, parce que je pars en Corée c'est lundi. C'est devenu très fort ouais, dans c'est mon très casque. Fort, mais changé. Tout le monde crie. J'ai rien touché. J'ai tu vas faire quoi en Corée? On peut savoir. Je vais faire un concert. Oh, tu vas en Corée? Eh, lundi je pars. Avec toi, il y aura une... Tu feras une Corée sur scène? Je pense. Ce sera peut-être corrélé. Il y aura du montage. Tes premiers degrés, toi, de toute façon. Ouais, un petit peu, ouais. Je boirai peut-être de la ricorée aussi. Oh non! C'est bien, c'est mieux en mieux là, pour le décalage horaire. Ouais. Mais non, j'y suis jamais allé à Séoul. Putain, moi, je me demanderais peut-être Séoul. Arrête de me séouler là. Ouais, j'allais dire. Ouais. Bois pas autre chose que de la ricorée parce que tu vas être Séoul. Ouais. Sache que Robin Williams avait mis dans son testament qu'il interdisait qu'on fasse ça. Il l'interdisait parce qu'il s'était fait avoir par Disney où il avait dit moi je veux pas que vous mettiez ma voix dans des jouets et des trucs. Ils ont fait t'inquiète, ils l'ont fait beaucoup. Ah ouais. Et ah il ouais. a dit bah oui mais je vous avais dit. Il fait oui mais t'as passé le contrat. Il a fait bah pas cool. Et du coup après il a fait super gaffe et il a mis dans son truc et tu n'as pas le droit de recréer ou d'utiliser la voix de Robin Williams après sa mort pour des merde, trucs. Moi, mon projet de jouer. Moi je pense que je vais signer un contrat pour dire que c'est ok parce que ça me fera des rôles. Arrête! Il attire mais la pitié. En plus, même après, moi je n'aime pas alors que j'ai vraiment 0-0. T'en as donc c'est quand même cool, vraiment un acteur. Toi qui parles du milieu avec un grand M. C'est mérité. Ça, avec tous les podcasts, on peut te faire faire tous les rôles là. Il n'y a même pas besoin d'IA non, pour mais recréer. En vrai, c'est parce que avec les IA qui recréent les voix, vraiment avec le podcast, on peut servir, recréer quoi. Nos voix. C'est fou quoi. C'est fou. Et toi, Pauline, t'es comment sur ce sujet? Elle est top. Moi ça va. Non mais si, imagine demain tu meurs, ce que je ne te souhaite absolument pas. Ou alors pas cool. Avant la sortie du podcast, on fait imagine, un petit buzz, voilà. Crash d'avion vers Séoul. On imagine. Moi je possible. Dis toujours que pour moi ce serait la moins pire mort. L'avion? Ouais. Ah, je pense parce que ça fait. C'est lever pas direct, les yeux. Direct hein, quand même hein, la mort. Ouais ouais, il y a une chute très longue quand même. T'as dit quoi? Ce que j'ai dit. Non mais arrête de redire. C'est entre nous maintenant. Ok. Non, non mais non, mais oui, parce que c'est ça, les gens savent, du coup, ça sert à rien de le redire. C'est trop long! Non, parce que simplement, ça, tu te dis on va mourir, et en fait, par exemple, mourir poignardé, horrible, tu vois. Ah ouais? Alors que mourir en avion, il y a un côté genre bye bye. Ah! Chapeau l'artiste, et puis tu fais. Prouh, tu t'en vas. Sauf si tu te fais poignarder plein de fois dans la tête, et du coup, tu meurs tout de suite. Dans l'avion. dans un avion. Non, avec un couteau suisse. Mais non, je sais plus. Donc l'intelligence artificielle. Non, demain tu meurs. Ouais. Ce que je te souhaite encore une fois. À pas quelle du heure tout. Déjà 16h. 16h après le goûter. Oui, okay. Tu goûtes et tu meurs. Mm. Qui est mon album de rap. Mm. Tu goûtes et tu meurs. Et derrière, on dit, bah tiens, dans le Macintosh, dans le Macintosh de Popo de la Nouvelle Star, il y a plein de chansons et on ferait bien du fric avec. Tu raconteras ton anecdote après, peut-être, sur la Nouvelle Star. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces chansons? Est-ce qu'on les mettrait pas sur Spotify? Moi, j'en ai rien à foutre, en vrai. Mais moi, il resterait Axel qui jugerait. Parce qu'on est nés deux un peu dans le projet. C'est vrai. Okay. Oui, mais si tu les as pas sortis. Les deux sont morts dans l'avion. Vous avez pris l'avion ensemble. Ok, et qu'est-ce le producteur était ouais, là et il est personne. Mort. Non, moi je n'ai rien à faire. Non, t'en as rien à faire. Vraiment. Après, prenez. Toi, ta voix elle est inimitable. Elle est. C'est un compliment. Qu'est-ce qu'il est gentil. Je sais pas, je connais pas trop ce que tu fais. Super. Mais on m'a dit quoi. Non, mais ouais, ça je m'en fous. Ah ouais. Honnêtement, ce qui m'énerve plus. Même ta chanson sur les immigrés. Moi je suis pas sûr qu'il faut la sortir. Celle-là, tu vois, elle appartient à son époque. C'est dehors tout le monde. C'est pour retracer l'histoire. Je crois que c'était pour les manifs. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle DTLM. Ah oui, d'accord. Non, moi c'est plus sur ce. Oh, je sais pas parler. Ce sur quoi j'aimerais m'insurger, c'est le multivers. Ça, j'aime pas du tout. C'est ça, ça me saoule. Mais pourquoi? Mais parce que dans Spider-Man et tout, je suis là, genre tricheur. Alors, moi, j'ai vu pour la première fois. Lequel? Le Spider-Man. Into the Multiverse, le premier. Into the Wild, ça n'a rien génial. À voir. C'est pas Spider-Man. Ah ouais, mais t'as vu le mec qui a vu le truc le mieux autour du multivers aussi. T'as vu le 2? Il dit le multivers, lui. Genre l'insecte. Je suis plusieurs insectes. Non, alors, pour info, on dit multivers en français et multivers en anglais. Est-ce que j'ai le droit de respirer le même air que vous? Enfin, non, mais je transpire j'ai des oreilles. Procès, ou quoi Pauline, c'est quoi cette histoire? Pauline déteste que tu parles anglais. Ah ouais, ça la rend folle alliée. Ça la vraiment. Elle ne dit plus un mot. Non, mais donc Spider-Man, tu as aimé. Bah, c'est génial. Non, mais j'ai aimé en plus. Non, mais en plus, parce qu'il y a aussi... il est justifié, le multivers. Ça sert. Non, mais ok, ouais. Mais t'as vu le dernier, là? Non, pour la deuxième fois. Hyper casse-couille. Hein? Oui, d'accord, mais après, bah il y a plein de films casse-couilles où il n'y a pas de multivers. Tout ce qui concerne le multivers, eh ben, j'ai trouvé ça chiant et je trouvais que c'est de la triche. C'est genre le mec il est là et en fait, non, il était là et l'autre il n'était pas mort parce qu'en fait, l'autre il était okay, mort. Ok, je comprends. En fait, c'est infini. T'es là, bon, bah tout est possible. Bah, ça me saoule. En fait, la justification première du multivers, c'est un peu dans Marvel, c'était t'as un peu pour. C'est multivers par contre. Je dis ce que je suis bilingue et puis je t'emmerde aussi. Ça faisait un peu genre. Attendez, comment est-ce qu'on pourrait faire plus de films, donc plus de thunes? Bah, tout est possible parce qu'il y a des multivers. Allez, c'est bon. Oui, donc, dans le dessin animé, ça ouvre juste des trucs artistiques. Dans le Into the Spider-Verse, je trouve que c'est justifié par le. C'est nul comme titre. Mais est-ce que ça existait avec les BD ou? Ouais, à fond. Bah voilà, donc fermez-la. Ah, je suis inclus dans le truc? Franchement, ouais. Ok. Non, mais moi qui ai essayé de mettre un peu de l'eau dans le vin et tout, me faire comme ça balayer. Mais on peut peut-être ne pas être d'accord sans s'insulter, peut-être. On n'est pas sur Twitter. Je comprends. Tu le harcèles depuis le début de l'épisode. Je comprends, mais non, je suis pas d'accord. C'est mon caractère. Ouais, ouais. T'es franco de porte, toi. Brut de pomme. Mais ceci dit, elle ceci est entière dit, en fait. Et anti-vax d'ailleurs aussi. Aussi mais bon, on en parlera à la fin. Elle voulait pas en parler. C'est une de ses chansons qui sortira après sa mort. Et l'odeur il est particulière aussi. Mon album a l'air trop bien. Mais moi je sais ce pas. Ce vaccin poudre de perles, pimpin. Mais fait mieux ma voix. Au top vous ne piquerez pas sous ma frange. Non, non, non. Mais qui chante ça? Bah Pauline. Celui qui me piquera enlèvera mon pyjama. Oh. Parce que tu piques pas à travers des vêtements. Bah, attends, la c'est dernière dangereux. Fois que je viens dans ce flou de cast. N'importe quoi, c'est grâce à ça que tu remplis tes salles. Et donc tu vas revenir remplis. À chaque fois qu'il t'appelle, t'inquiète pas. D'ailleurs, je joue le 29 novembre. C'est comme moi, hein, mes BD, Dieu, question à chier, hein, vraiment. J'en ai vendu quand même 5000 grâce à eux. Tu penses 3940 personnes ont participé à un record du monde français. Cocorico, je envie de vous dire. Le connais, je crois. Oh putain, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu potasses maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai des amis beaufs qui postent des trucs de merde en story. Ah bon, bah c'est du pâté en croûte? Non. Non, mais c'est on la même merde. Ouais, oui, ouais, oui, bon. Savez-vous ce qu'est ce record? La plus grosse paella. Non, mais la plus grosse choucroute. C'est pas de la bouffe? Non. Les gens qui ont dansé le plus longtemps. Ah, tu t'en rapproches. Ah, popo, pyjamos. Ah, ils ont pas dormi pendant longtemps. C'était pas dans le dernier. Donc c'est autour de la danse. C'est autour de la danse. Ah, ils ont fait la danse là, de gauche à droite là. Et non. Ah non, la danse d'Hélène. Madison. Ouais, Madison. Le Madison. Non. Quoi Koubé, c'est ça. La danse du Quoi Koubé. Maximum de crampeté. Personne a sorti ça d'ailleurs, la danse du Quoi Koubé. Quoi pour cet été là, venez on fait un tube de l'été. Il y a le quoi pour après, se le dit. Mais si, on l'a fait sur la dernière photo. Qui a eu un succès fulgurant. D'ailleurs, j'ai la quoi coup maladie moi personnellement. Ah, t'as la quoi coup maladie. C'est vrai que t'es quoi coup malade. Mais il faut que t'ailles vite te faire cramper là. Là, je vais. À l'hospice. Pourtant, je vais me faire vacciner contre la quoi coup maladie parce que. Tu l'as souvent quoi. Ouais. Bah, c'est intenable au quotidien. Ah oui, le record. Bah, c'est ça, là, comment on dit les danses bretonnes là? Non, c'est pas les petits doigts. Non, déjà. Un fest-nose? Non, ce n'est pas un fest-nose. Une gigue, tu voulais dire? Des dabs? Non, pas des dabs. Non. Du twist? Pas le twist. C'est une danse régionale? Ouais. Nationale. Quoi que. Le rock? Ouais, pas le rock. C'est à peine une danse en vrai. La bourrée? C'est quoi la bourrée? Non. C'est moi hier. Moi j'ai aimé cette vanne, Pauline. Merci. Pour la bienveillance. Ça y est, ouais, c'est toi, ouais, j'adore. C'est vraiment sympa, approcher. J'ai hâte de lire ta BD. Oh là là, vous êtes deux potes. Vous avez vu comme on a déconstruit l'agressivité? Ouais. Mais c'est intériorisé maintenant. Moi, j'ai hyper mal au ventre. J'espère que plus de gens vont déconstruire des trucs. Ça me manque à chaque fois que quelqu'un ne déconstruit pas un truc. Mais moi, quand je suis dans la rue, je trouve hypersensibilité, trop... comme ça, là, tous ensemble. Ça serait génial, quoi. Déjà, on a déconstruit pour moi le multiverse. Là, ouais, c'était cool. On l'a détruit, moi, je pense. Entre zèbres? Car on est tous zèbres autour de la table. Évidemment. Oui, okay. Bien sûr. Ah putain, bah, j'en parlerai après. Ok, mets-le bien dans un petit coin de ta tête. Oh oui, je vais l'oublier parce que je suis alors, un attends, esprit défaillant, un cerveau qui fonctionne assez mal sur beaucoup d'aspects de mon le quotidien. Le jump style. C'est quoi le jump style? Tu colles des mots. Un style de saut en fait. C'est un peu ça. La tectonique. Non, ça, non. C'était le sanglier malheureusement. C'est bienveillant ça ou j'arrive pas à savoir? Ah non, ça ressemble vraiment à la chanson Le Sanglier. Qui est une chanson qui est dans le disque dur de Pyjama. Waouh, c'est fou ça. Qu'elle va sortir. D'ailleurs, faut que tu les sortes toutes sur TikTok après si tu veux buzzer un max. Arrêtez de me Macarena. Pas la Macarena, non. Encore moins élaboré. Ouais. La rumba. C'est un truc de mariage, quoi, un peu. Ah. Genre la chenille. Ah, la chenille. C'est la chenille. Oui, c'est la chenille. Mais là, c'était la danse d'Hélène que tu chantais. Bah ouais. Hélène, c'est qui? Tu connais pas la danse d'Hélène? Non. C'est vrai que t'es jeune, toi. Ah ouais. C'était je mets le doigt. Non, mais ça, je connais, mais je savais pas que ça appartenait à Hélène. C'est sa danse à elle. Madame. Et c'est pas Hélène de Hélène et les garçons. Non, rien à voir. Autre Hélène. Non, c'est une Hélène inconnue. On sait pas qui est cette Hélène. Je regarderai. Je me renseignerai. Tu me donnes. La gueule Hélène. Oula. Hélène. Parce qu'elle a une mauvaise Hélène. Oui. C'est quoi ça? Mauvaise Hélène. Hygiène dentaire. Non mais c'est, oh, c'est une citation ou... Non, c'était nul à chier. Ah d'accord. Non, c'est un extrait de son spectacle. Ça aurait pu être une non mais c'est l'intro. Hey, voilà, on redérive. Ça aurait pu être une chanson de Francky Vincent. Ouais, c'est vrai. Ça va être encore dans mon prochain album, j'imagine. Le précédent record de la plus grande chenille était de mais alors vraiment ridicule, 1338 participants. Oh non, c'est ringard. Alors que là c'était à Saint-Brieuc. Alors kilomètres. Que là, à Rouen, 3940 participants ont fait une chenille. C'est forcément là, des Rouennais. 4 kilomètres que... Au moins. Pour mobiliser les troupes, un compte Twitter a été créé. Ce dernier a été confirmé. La présence d'huissier pour faire valider le record a été établie. Oh et même là le là maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, s'est prêté au jeu. Est-ce que vous aviez un truc un peu est-ce qu'à Avignon, il y a des trucs un peu folkloriques, bah, ça, des danses? Ils dansent tous en rond. Bah, non. Déjà, sur le pont, mais où, ouais, ça. C'est pas sur le parking, pas, non, pas dans le parc. Le pont qui est cassé d'ailleurs, le pont d'Avignon. Il est cassé vrai. Bah, il est. Tu confirmes? Il est cassé, on peut pas traverser. En fait, le pont d'Avignon est vraiment. Bah, mais ça, c'est depuis. C'est une moitié de pont en fait. Ah bon? Quoi? Donc, on en fait une chanson, c'est même pas un pont en fait. Quoi. Voilà. On peut même pas y danser du coup. Après, c'est parce la fierté de la ville, donc on peut respecter un petit peu. Est-ce que tu as un truc un peu folklorique dans le sud, des trucs, des danses? Y avait beaucoup pas... de choses folkloriques, ouais, mais après, est-ce que j'ai envie d'en parler? Ouais, je sais pas. Il y a pas mal de Sarwell, de théâtre. Ah bah oui, forcément. De marginaux. Comment vivent les Avignonnais? L'arrivée de l'été avec le théâtre d'Avignon, le festival off. Les vrais Avignonnais, ils aiment pas. Les vrais Avignonnais, ils ont hâte que les autres se cassent. Évidemment. Et il y a trop de gens. Ils votent FN aussi. Et sinon, les gens adorent. En général, les Parisiens arrivent, ils sont tous habillés en lin intégralement, donc tu les reconnais. Et ils disent en Avignon, et c'est là aussi où tu reconnais que c'est pas des vrais Avignonnais. Ah, ils ont des Ben Simon au pied aussi, non? Ça peut leur arriver, sachant que ça pue des pieds. Les Birkenstock aussi, peut-être. Ah, les Birk, très important. Ouais, mais ils enlèvent tout le temps leurs chaussures comme toi un peu, tu vois, genre dans les chez terrasses. Moi, ouais. Ouais, ils ont les pieds noirs. Règles. Ah ouais, je vois très bien en terrasse là. C'est Et je vois très bien. Il y a une chemise ouverte jusque là du coup aussi également. Après, c'est sympa, toi, tu aimes. Le festival d'Avignon. C'est tout en ce horreur. Que, c'est tout ce que tu es. Ah oui, c'est. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Ouais, ouais. Parce que bon, non, pas beaucoup ça. Trop. Bah, il fait extrêmement chaud. Il y a énormément de gens, donc. Mais c'est après, deux il doit y que... avoir quelques amis humoristes à ah, toi oui, oui, qui viennent a. Se produire. Et ils disent, tu viendras me voir. Je fais bien sûr que non. C'est bien. Désolé, c'est vraiment pas contre eux, mais. S'ils c'est... sont vraiment amis avec toi, ils te demandent pas de venir. Oui, c'est ça. C'est que ils te connaissent. Vraiment, ils te connaissent. Donc voilà. Moi, j'y suis jamais allé. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'étais en Bourgogne. Il y avait Chalon dans la rue, et c'était un peu la même histoire avec que des babos. Il y avait tous les babos de France qui venaient à Chalon dans la rue pour ouais. faire des bolasses, des danses festives. Des bolasses du Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est pour les geeks. Hein. Blague de merde. Moi, je l'ai Arrête. Moi. Déjà faite. Léopold, tu viens d'où, toi, déjà? De Caen. De Caen? Ah ouais. T'es Orelsan ou pas? Tu te blagues comme ça? Je sais pas du si tout. Non, non, non. T'es Jean-Pascal Zadi? C'est vrai que tu viens de Caen. Ah, attends, qui est venu de Caen aussi? Oui, j'ai des... ouais. Olivier Barou. Ah, Olivier Barou est né à Caen aussi. Bah, putain, c'est ouf. Et ouais. quand il est pas à Caen, il se barre où? Oui. Silence. J'ai sorti une petite paille et je l'ai dégustée comme ça. Il y a quoi comme comme petit truc folklorique? À part évidemment la sauce magique beau gosse. Non mais je connais bien. Oui. Ah. Ouais. T'es allé? Bah, non, j'ai bah les tripes chanson, à la mode. Les tripes que j'ai jamais mangé du coup. Cela dit, je suis déjà allé à Caen et il y avait une rue avec beaucoup de bars et beaucoup de pisses. La rue Écuyère. Ah ouais. Ouais. Elle est célèbre pour ça ou pas? Parce que vraiment il y avait beaucoup de bars et beaucoup de pisses. Je sais pas, je crois qu'ils l'appellent la rue de la pisse, ouais, effectivement. Ah, ça s'appelle mais... la rue Hellfest ouais. maintenant. Mais c'est vrai que c'est une rue, il y a plein de bars, moins qu'avant. Ah ok. Ouais, mais la rue Écuyère, ouais, c'est réputé pour ça. Ouais. Non, j'y étais allé, mais je crois pour Groom. Pour pisser, je pense. Pas loin, je crois. C'était à Cabourg. Ouais, mais c'est pas très loin. Pas très loin, j'étais allé en bagnole. Je veux pas m'en ouais, dire que c'était loin. Ouais, ouais, non, mais ouais, non, mais ouais, ouais. C'est bien comme ville, mais il faut pas y rester. Enfin, je veux dire, moi je suis parti à 18 ans parce que. Tu t'as quitté ta province. Ma province. Ouais. Non, mais tu te déchires. Critique aucune ville parce que moi l'autre fois j'ai dit qu'Avignon il y avait pas grand chose à faire et je me suis fait défoncer sur Twitter. Non, pour le coup, je suis pas comme Orelsan, je suis plutôt pas fier de venir de Caen. Enfin, je veux dire, c'est. Et t'as pas son âge encore. T'as pas son âge encore. Peut-être quand tu seras plus vieux, tu t'as pas de disque d'or, il me semble. Bon alors. De rôle. Attention, la bienveillance est repartie. Oui, pardon, un petit pardon, peu, pardon, ouais, pardon. Je déconstruis mon agressivité. Ah, donc c'est bon. Pour l'instant, ni de rôle pour l'instant. Oui, pour oui. l'instant. Ni de rôle à la hauteur de ton talent, c'est ça que je voulais dire. Oh. Ah, oui, non, mais là c'est. Trop. Là, ça me saoule en fait. Faut un juste milieu quoi. Ouais, on va essayer de. Ouais. Dans la ville de Shenzhen en Chine. Attends, oui. Bon, je dirai après, vas-y. Ah, pardon, vas-y. Mais arrête non, de tout dire. Non, mais je suis pas dans le, ah, non. dans le mood. Comme avec Léopold, l'anecdote d'Adrien. Il faut l'anecdote d'Adrien. Elle sera tellement bien qu'on en fera un TikTok. C'est pas une anecdote, c'était une question que je voulais vous poser. Puisque vous aussi, vous êtes exposé publiquement, vous avez des ouais. followers et tout. Est-ce que ça vous arrive souvent qu'on vous diagnostique des trucs? Ah oui, oui. Oui. Oh, mais moi, un milliard de fois, on m'a dit: ah ouais, je connais, t'es HPI, et j'étais là, pas du tout, genre 0%. Mais ouais, HPI ou d'autres trucs aussi? Hyper belle, mais ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Allez, ça, j'ai pas des yeux. Ça m'a dégoûté. Bienvenue, Pauline, dans le podcast. Parce que j'ai imaginé la tête des gens qui m'envoient des messages, et j'étais là, En voyant mon propre visage. Ah, ça m'a dégoûté, si j'ai vu ta tête, j'ai imaginé la gueule des gens. Oh, et oh, là, celui-là. Non, mais alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on t'a diagnostiqué, vu que tu voulais faire l'intéressant avec cette anecdote. Peut-être les autres peuvent répondre déjà. Non. Je pense que tu t'en branles de nos réponses, tu la poses pour pouvoir dire ensuite non, calmement. Non, je ne pense pas, je ne pense anecdote. Pas. Je le connais, mon Adrien, et je connais ses défauts. Parce que et je me demande si c'est que moi ou si c'est. Parce que c'est... En toute honnêteté, voilà. Adrien, ça ne m'est jamais arrivé de mon côté. D'accord. Mais je pense qu'Adrien, t'as un truc, moi j'ai un peu ça aussi, c'est que les gens se permettent de rentrer dans ta vie et de te dire des trucs très perso. Car alors vous partagez que... beaucoup aussi. Bah, c'est pour ça. Ouais, mais ouais. lui, moins que moi quand même. Oh, dans les blagues et tout. Mais il souvent, les gens sont très intenses. J'avais déjà vu. Déjà, j'ai un podcast, t'en as pas, donc. beaucoup plus que toi. Non, mais je veux dire des trucs perso. Bah, énormément, vraiment. Bon, de toute façon, on a un jeu qui s'appelle Qui est le plus dépressif. Je regarde pas ta story. Je regarde pas. Mais j'ai déjà vu sur ton. Dans le floodcast. Sur ton parle. Twitch. Ouais. Ouais. Mmh. Oh putain, j'ai eu un bug. les gens, ils te faisaient des longs pavés où ils te disaient des trucs hyper émouvants et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes. Toi, je sais pas si ça t'arrive par exemple. Quasiment pas. Bah voilà, ouais, moi, les gens plus, hein. se livrent vachement ouais. à moi. Bah, aussi. Moi aussi. Mais et toi, les gens, j'imagine qu'ils te disent. Enfin, tu devrais pas être autant négatif. Non, en vrai, non. Au contraire. Ok, d'accord, bon, bah. Non, mais en vrai, Léopold, j'ai l'impression, et je vais te les répondre parce que en vrai ça te concerne, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse même. C'est plutôt ouais. des gens, il y a un côté, j'ai l'impression, ah, oui. cathartique. Ils veulent te sauver en fait. Dire, non, justement, non, plutôt, vraiment, personne n'a compris ce que voulait dire Florent. Non mais un truc assez cathartique de ah bah voilà, il met des mots sur des émotions que je peux avoir ou des drames que ouais. j'ai vécu. Il assume avec en plus un peu d'humour qui est sa patte, hein, qui lui est propre. Voilà, alors que moi je suis un paratonnerre quoi. Alors que moi je suis en couple avec un gosse chiant comme la pluie, ma vie. Ça n'intéresse absolument personne. Mais ouais, Adrien, vous êtes un couple goal pour moi. Non parce que moi je me suis rendu compte récemment. Parce qu'on m'a récemment diagnostiqué quelqu'un. Bon, alors, je le remercie, hein, parce que je sais que du coup, il écoute le Floodcast. Parce que c'est souvent via le Floodcast qu'on me diagnostique des trucs. on m'a dit je pense que tu fais de la paralysie du sommeil. Non, pas de, non pardon, non, mais comment de l'apnée du sommeil. Mais comment ah, ouais. Il m'a dit j'écoute le Floodcast et tu décris beaucoup de symptômes qui sont, attribués à l'apnée raison, du sommeil. Hein. Et j'ai dit quels symptômes. Et il m'a dit, bah le bruxisme, donc le fait de grincer les mâchoires, de grincer des dents, ah ouais. pas de serrer les mâchoires, les problèmes de mémoire. Et je dis tout le temps, ah putain, je perds la mémoire et tout. Enfin, il m'a cité plein de trucs. Et déjà, et il m'a dit, le fait de se lever la nuit pour pisser. Et là, je me suis dit, je dis vraiment beaucoup de trucs dans le podcast, parce que tout ce qu'il a dit était vrai. Ouais. Et effectivement, peuvent être liés à l'apnée du sommeil. Ça, on m'avait dit trouble de l'attention. Ouais. Bon ça pour le coup a priori bien joué. Ouais. Autisme aussi. Ah ouais carrément. Non c'était dans des commentaires quand j'étais passé dans l'émission, l'émission oh. de quelqu'un avait dit ah sa posture on dirait un peu quelqu'un. Alors, il avait dit Asperger à l'époque. Il faut plus dire Asperger. Je sais pas ah si bon. Vous aviez ah, je savais pas. Parce que le docteur Asperger était un nazi et du coup les. Et là t'es un peu en train d'encourager les gens à nous diagnostiquer des trucs sur internet. Non non. Bah, non non non pourquoi. Bah parce qu'il avait raison. Sur deux trucs. Non, l'apnée du sommeil. C'est le docteur Asperger qui l'a envoyé tout ça. L'apnée du sommeil, c'est pas du tout. C'est possible, mais il faudrait que je fasse des tests. Quoi, est-ce qu'il est médecin, ce mec? Alors, il est à la tête d'un truc dédié à la diagnostic. On peut pas dire son prénom, okay. Mais c'est le professeur Raoult. Il est assez qualifié, du coup. Ouais, il connaît les choses. Son métier, c'est de traiter l'apnée du sommeil et de le détecter. Voilà. Okay, ouais. En termes de. voilà. Non, mais donc après, il y dédie une partie de son temps, quoi. Après, il a évidemment précisé je peux pas faire un diagnostic en écoutant un podcast, ça a aucune par valeur. Contre, si tu m'envoies un enregistrement de toi qui dors, je veux bien. Voir une photo de tes pieds. Bah, ça pourrait m'aider, en tout cas. Ça, moi, on me demande très souvent. Les... Ah ouais, et en plus, je trouve que j'ai des magnifiques pieds, mais j'en vois pas quand même par est-ce sécurité. Que t'es sur même... Wikifit ben non, tout je crois suite. Pas. J'ai ah ouais regardé. Moi non plus. Ah, vous y êtes pas ? Pomme, elle y est, j'ai vu. T'es sur Akinator ? Ah putain. Au moins, au moins oui, parce oui, que sinon. Oui, ça, c'est... oui. Mais ça, je crois que même ma mère, elle est sur Akinator. Enfin, Gérald y est ça. T'allais digresser. Il y avait Zèbre aussi, effectivement. Ah, Zèbre. Bah oui. On m'a dit tu serais pas Zèbre ? Et je suis juste drôle en fait. Voilà. Et extrêmement intelligent. Et triste. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'humour, moi je te considère comme tel. T'es très vif d'esprit. Wow. Et très drôle. Et c'est vrai que c'est un signe d'intelligence en vrai. D'être bah, très drôle. Voilà la bienveillance. Non mais bah, ça peut en tout cas. En vrai, c'est... Je pense qu'il y a des gens qui sont drôles et qui sont pas intelligents. Je pense. Mais c'est vrai que après, moi, ah ouais je trouve que l'intelligence, c'est ça ne veut rien dire. C'est en ce vrai. Que j'allais dire. Moi, je trouve que l'intelligence, c'est dur à. Enfin, ce que tu dis mais est mais très pertinent quand même. Oui, bien sûr. Oui, sûr. Oui, oui, et moi, de toute façon, j'ai un profond respect pour justement les gens marrants. Moi, je trouve que c'est eux les plus. Oui. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire des êtres bah, humains. Enfin, qu'il y a un moi, truc... ça m'arrange qu'on dise ça. Ça fait une sous-impôt. Ça fait une drôle et pas intelligent. Non, mais après, intelligent, ça mais pour moi, c'est non, mais je veux dire. Ouais, non, mais tu vois, parce que souvent, quand quelque chose te fait rire, tu fais genre. Ah, c'est finement. Non, c'est rondement mené. Lâcher une caisse, c'est drôle. Bah ouais. Lâcher une caisse au bon moment, c'est drôle. Pas sûr que ce soit vraiment. Hyper intelligent, le gars. 5, 4, 3, 2. Allez, transpire énormément des cuit sur ta chaise en chèvre. En parlant de paix. Non, il y a un jour, j'étais dans un bar et Dieu sait que ça arrive oui. peu souvent. Un petit bar. Et je passais plutôt un bon moment et il y a une meuf, elle partait et elle part et elle revient et elle fait, je voulais juste dire, je suis orthophoniste et je pense que t'as un défaut de déglutition. Et je dis, waouh. Je sais pas quoi faire de. C'est vrai que t'es autant salut. De gens qui te ouais. donnent des. Moi, des c'est Moi, c'est Adrien. Mais tu parlais avec elle pas, même pas. En fait, tu l'as harcelée et elle t'a cassé derrière. Elle t'a dit tu déglutis mal. Non. Comme il y a une chance qu'elle écoute, je veux dire qu'il n'y a aucun problème, hein, parce que je l'ai recroisée après et tout. C'est pas grave. Mais l'accumulation, je m'en suis rendu compte récemment que de temps en temps, quand même, on me diagnostique des trucs. Et je suis déjà assez mal comme ça. Ça part d'une bonne intention. Non, mais par contre, les gens, c'est vrai qu'ils dépassent souvent les limites de Genre moi parfois on me raconte des trucs beaucoup trop intimes ou on pose des questions beaucoup trop intimes et je me dis à quel moment cette personne s'est dit que ça allait pas me mettre mal à l'aise quoi. C'est moi il y a des ouais, il y a eu des il y a des limites quand même. Mais il y a des formes artistiques, j'ai l'impression, qui sont plus encline, pas sûr. Non. En cul. Non mais tu vois, dans le floodcast par exemple, oui. Même si moi je parle beaucoup de choses, j'ai l'impression que je suis pas très intime, parce que je parle en vrai que de trucs un peu ridicules ou de, enfin tu vois, je parle pas de l'amour que je peux porter à ma meuf ou de choses comme ça, tu vois, qui sont pourtant des choses tu viens de le faire. Qui sont très présentes. Mais je viens de faire un film et je pense que je me suis jamais autant mis à nu que attention. Parce que tu vas recevoir des pavés autour de la table, quelqu'un l'a vu. Non mais ce que je, mais justement je ne pense deux pas. Personnes, deux personnes. Oui. Mais justement je ne pense pas parce que je pense qu'il y a la il y a un truc de cinéma où d'un coup c'est une histoire et c'est quelque chose et du coup il y a moins là dans que ce soit la chanson ou le podcast, il y a un truc qui est direct aussi, je pense qu'il y a quelque chose où c'est votre voix qui va directement à La chanson, il y a toujours l'excuse des rappeurs de dire c'est un personnage. Bien sûr. Ah bon, ils disent ça. Non mais par exemple, parce que je me souviens, c'est marrant parce que hier, pas plus tard qu'hier, bon, je faisais un très long export pour un projet avec José Garcia et Charles Gainsbourg et on regardait des vidéos avec dedans. Et Adrien Méniel. Je suis grave marrant dedans. Allez le voir le film. Quand il sortira, je sais pas quand. Oui, mais parce qu'il y a des gens, ils écoutent des vieux épisodes. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ils écoutent celui-là par hasard, allez voir le film. Il est hyper bien noté sur. Je vais le dire à chaque épisode. Ah, ça va. Jusqu'à la sortie du film. Et bref, on regardait des vieilles vidéos de Golden Moustache, dis-toi. Et on a revu Victim Express, qui est un sketch d'Adrien Méniel, qui est très drôle et qui en plus a un vrai sujet. Que j'adore et qui est pertinent. Les victimes. Bah justement, il y a un truc autour de ça. Allez voir ce sketch, il est vraiment marrant. Et je trouvais que personne t'avait envoyé un message pour dire bah franchement merci, tu mets le doigt sur quelque chose. Ah ouais, si dans les commentaires il y avait quelqu'un qui avait dit justement genre enfin je sais plus, genre quelqu'un qui avait dit genre je me fais harceler à l'école et tout et ça fait du bien, etc. Putain, quoi. Ah, ça personne, fait du bien de se faire harceler. Ouais, oui. Et cette personne, c'est bizarre. À l'époque on savait pas que c'était, aujourd'hui c'est Nekfeu. On peut le dire. Mais non, des idées. Qu'est-ce que c'est pas bien fait. Ah non, c'est pas ça. J'ai même pas compris. Je sais imiter que les filles. J'ai dit dos d'idées. Ah, dos d'idées, ouais. D'idées. Je sais imiter que les filles. Dans la ville de Shenzhen, en Chine, un système technologique de caméras de vidéosurveillance équipé d'une IA. Ah non, mais c'est que ça le sujet, Pauline. Je te pose ça la question. Pas, moi, par je te pose contre, la le question. Multivers, non. Et ben, ça a été conçu pour arrêter une mauvaise habitude qu'avaient certains. À votre avis, cracha. Pas cracha. Et on a dit la même chose. Vous êtes connectés les deux. Mais parce que je sens il est sniper, du coup je. T'essayes. Vous avez un cerveau pour deux ou quoi? Ouais, je vois Émeric Caron et Léma Salamé. Léma ouais, un cerveau malade pour deux par contre. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est votre pièce de théâtre à Avignon d'ailleurs. Oui. Où vous êtes les bras croisés dos contre dos. Artiste, point d'interrogation, plutôt avec malade. Un cerveau qui sort du crâne comme ça. Et il y a un petit entonnoir posé dessus. Il y a quand même le sigle masculin et féminin de chaque côté. Bien et sûr. Le côté de Pauline est rose et le tien est bleu. Et Adrien a un nœud papillon. Et toi, une robe de princesse. Oui. Mais tu fais un doigt d'honneur. Ouais. Quand même. Et la pièce commence. Mi-chiante. La pièce commence, je suis devant une porte et je fais bon allez, t'as bientôt fini là, ils nous attendent. Et elle est dans la salle de bain et je dis c'est pas possible de mettre autant de temps. Ouais, ça, c'est et là bien. On fait monter à sauce. Et à un moment elle sort, elle fait bon bah quoi, tu vas frapper combien de temps. Et là les gens applaudissent. Et toi tu dis quoi, coupé. Et là bon bah fin du premier acte. Ça s'écrit tout seul. D'ailleurs je voulais dire les gens qui sont dans l'écriture et tout, le moment où vous vous dites mais attends, mais ça s'écrit tout seul, c'est que c'est de la merde. Voilà, oh, je voulais. Franchement. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi l'exemple? Non, je me suis fait la remarque. Oui. Souvent on dit, mais attends, ça s'écrit tout merde. Seul. Et bah, c'est sans doute de la merde. Et là, il y a quelqu'un qui était en train d'écrire, qui écoute et qui fait putain! Mon maître a pensé qu'il déglutit mal. Je déglutis super mal. Mauvais déglutteur, le titre de l'épisode, malheureusement. Donc, oui, le système technologique de caméra de vidéosurveillance équipé d'une IA qui a été conçu pour arrêter une mauvaise habitude qu'on certains. C'est quoi? De pisser. Non. Chewing-gum? Non. De la façon dont tu l'as dit m'a fait mourir de rire. Chewing-gum? De coller les gens. Genre non. De se coller. Non. Alors attends, c'est en Chine. En Chine. De la ville insulter de les gens au volant. Shenzhen. Non. Alors, c'est les piétons? C'est pas rapport aux piétons. Il passe au vert. C'est pas les crachats. Il passe au rouge. Il passe au orange. Il passe ses soches. Il grille la priorité. Il attend pas le décompte. Il grille la priorité. Non, mais vous avez tous un peu raison. C'est juste. La voiture. La Chine. La Chine. Tu vois, là, il faut être intelligent pour crier la voiture comme ça. En gros, c'est juste que font mal les piétons. Si les piétons ne traversent pas au bon moment ou en dehors des passages piétons, leur visage et leur identité se retrouvent placardé sur un écran LED géant. La ville de Shenzhen utilise ses caméras de surveillance depuis 2017 et en 10 mois, 13 939 piétons fautifs ont été vus sur l'écran géant au carrefour du district de Futian. Ils sont juste humiliés publiquement. Ouais, il n'y a pas d'arrestation. Il n'y a pas d'arrestation, pas d'amende. C'est un peu comme la kiss cam au basket. Bah, c'est ça, hein, Adrien. Mais les gens vont avoir envie d'être affichés. Les kiss, pas trop. Ils vont faire des têtes. T'as fait un truc un peu kawaii parce que t'es profondément raciste. Non, mais c'est moi, je prends les photos comme ça. Ah oui, pardon. Non, non, je dis pas que eux font tout ça. Moi, je le fais. Janine Wong, chercheuse à Shanghai, a déclaré. Peu importe si vous marchez ou faites du vélo, votre image est capturée, votre visage apparaîtra sur un écran à proximité afin que tout le monde puisse voir votre visage. Avec un filtre mignon. Une fois qu'ils sont identifiés votre visage, toutes vos informations comme le numéro de portable sont liées. Il y a quand même un peu un truc de fichage. Parce que, vous connaissez le site PMyze ou PMy, je non, sais plus. C'est quoi? C'est terrifiant. Tu uploades la photo de quelqu'un et ça te montre toutes les... Enfin, peut-être pas toutes, peut-être que si, toutes les photos de... En fait, il y a un truc de reconnaissance faciale et il te montre toutes les photos de cette personne, mais même des trucs que tu trouverais pas sur Google en cherchant son nom, quoi. Ouais. Tu peux te prendre un inconnu en photo dans la rue, ouais. Tu mets ta photo, t'upload et ça t'affiche potentiellement sa page Facebook, son Skyblog. Son blog. Et tout. Non, mais vraiment, ouais. Ouais, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais, effectivement. Voilà. C'est une série un peu, j'ai l'impression, si je peux me permettre. Mais laquelle? Un récent sondage nous a appris. T'as vu comment il est pressé, hein? Non, c'est pour non, pas du tout, c'était pour t'éviter de. Il voulait faire une sieste, non, j'ai l'impression. Je dois aller chercher sa fille, c'est ça le truc maintenant. Depuis 12 minutes. C'est que les nouveaux podcasts, il doit aller chercher sa fille après et maintenant ça trace. Ouais, mais du coup, on a un rythme dingue. Ouais, ouais. Dingo. Flaubert. Mettez-le sur le poisson qui chante. Ah, putain, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça va casser ses lèvres. Du merch génial, un poisson qui chante les chansons de la comédie musicale de la tournée. Oh, la belle vie. Un récent sondage nous a appris que nous étions 34% de Français à le faire. Les Allemands sont bien meilleurs que nous. Ils sont 72% chez le chumette perforas. Hein. Par exemple, les Italiens, pour moi, j'ai pas écouté le début. Pisser sous la douche. Est-ce qu'il y a 34% des Français qui le font? Je fais partie de ces 34%. Je ne sais pas si vous faites partie, nous pourrons en parler. Le recyclage, trier. Non. Les Allemands sont bien meilleurs que nous. Ils sont 72%. Mais les Italiens sont moins bons, ils sont 24%. Ah, de d'ailleurs, quoi parle-t-on? En parlant d'Italien. Mais il est fou. Berlusconi. Je te diagnostique que t'es fou allié ce soir. Mais j'ai pas besoin de toi en fait. Déjà regarde l'entonnoir qu'il a sur sa tête. Déjà été fait par un professionnel. J'ai regardé, j'ai cherché. Berlusconi est mort. Et ouais. Bah ça fait plaisir. Alors c'est que ça. Ouais, non c'est mais que parce que. Tiens d'ailleurs, petit sondage. Allez, autre chose, un autre sujet. C'est la première fois que tu viens. La foire au sujet. Oh là là. Ah mais ça c'est le segment d'Adrien. Elle est de mauvais poil. Je suis. Elle a non, chaud. Je suis de bonne humeur. Elle a chaud au cuisse. Juste à aucun moment t'es de bonne humeur. Si si, je suis très heureuse. Son chien lui manque et elle a chaud aux cuisses. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Bah, ça va. C'est pas sexy. Mes deux parents sont morts. Dans des conditions tragiques. Alors attends, deux secondes. Je les mets dans la balance. C'est drôle. Non mais deux secondes. Je les mets dans la balance. Elle a quand même chaud aux cuisses. Bon, tu gagnes. Okay, okay. Tu gagnes. T'as des traumas qui resteront à vie. Il y a des oui. Non, mais là, pour moi, c'est foutu. Moi, c'est une voiture avec la roue qui tremble à vie. Tu chancelles. T'es un vase cassé, quoi. Non, est-ce que on peut se réjouir de la mort des gens? Mais moi, je trouve pas que la mort est une punition. Donc, du coup, je me réjouis oui, pas. Oui, mais ils sont plus sur Terre. Il y a un côté. Moi, c'est je fini. Pense que on peut s'autoriser à se branler de la mort de quelqu'un. Mais pas s'en réjouir. Non, mais parce que quand quelqu'un meurt, tout le monde fait genre j'aimais bien cette personne, on s'en fout. D'accord. Et tristesse on n'est pas obligé de faire un post Instagram. Parce je suis que, d'accord, mais pas ma tristesse. Moi, je pense qu'on peut bien s'en sûr. Branler, mais pas forcément la souhaiter et s'en réjouir. La si c'est un méchant. Oui, bah, la c'est ça la question. La non, souhaiter, se réjouir de la mort d'une personne super. Évidemment que c'est ça la question, Pauline. Le souhaiter et s'en réjouir n'est pas la même chose, déjà. Non, s'en réjouir. Mais on est quoi? On est à l'école ici? Non, mais t'es pas obligé de répondre si t'as pas de réponse définie. Moi, je trouve. J'ai du mal à m'en réjouir, mais effectivement, je peux m'en foutre. T'es ceci t'es étant gentil, dit. Spoiler, t'es le j'ai gentil aucun de la bande. Mal à m'en réjouir. Ceci étant dit, Jean-Marie Le Pen. Ça fait longtemps. Et là, peut-être. Je pensais à lui aussi. Peut-être. Moi, je me suis posé cette question. Ouais. Enfin, je me suis fait cette remarque plutôt. Ouais. le moment, il y a récemment, il était question qu'il meure peut-être. Ouais, là. On se posait la question. Et je me disais, ouais, il s'en met. Non, mais on manque de bonnes nouvelles, quoi. Oui, mais. Et moi, je trouve que, je sais pas, c'est pas sacré la vie, quoi. Non, ah, je suis d'accord. Moi, donc, on se réjouit de la naissance de quelqu'un, on se réjouit de la mort, pourquoi pas, quoi. La mort, la vie n'est pas sacrée, c'est ce que je veux dire, voilà. Ah, mais ça, je suis d'accord. Eh oh. En tout cas, tu détestes les Italiens, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette. Le Pen est italien? Non, il est. Le Pen! Le Pen! La penne, la pasta! Ça c'est top ça. Ça me fait penser à une anecdote Ah attendez, bah le jingle. Bah s'il vous plaît. L'anecdote de Léopold. Eh hey, c'est mon outil de travail en fait. Quand j'étais petit, je me faisais harceler par des gens. Et il y a une personne notamment qui me harcelait, qui avait même crevé la housse de la selle de mon vélo. Ah pas sympa. Avec attends, un tournevis. La housse de la selle. Ah oui. Voilà, jusqu'à chez moi, dans mon parking, qui était vraiment à côté de ma porte d'entrée d'immeuble, d'appartement. Et donc, c'était vraiment traumatisant ce moment-là. Et cette personne est justement morte en se faisant renverser par une voiture. Par un vélo. Non, elle était en vélo, cette personne. Et... Ah, pardon. Non, il ne faut pas applaudir. Non, là, je plaisante. Hein, et évidemment. J'aurais pu, du coup, à ce moment-là, souhaiter sa mort, parce que vraiment, il m'avait. Ou en être pour réjouir, ouais. Il m'avait rendu la vie dure quand j'étais petit. Et finalement, ça m'a rendu triste, je pense. Ah donc, oui, mais après. Bon. Intéressant. Syndrome de Stockholm, tu connais. Ça met en perspective. En perspective, également. Oui, après, entre un enfant qui agit mal et un adulte qui, toute sa vie, est horrible. Oui, oui. Différent quand même. C'est un peu différent, mais il a ouvert une porte intéressante. Moi, c'est Mon Le Pen à moi, je suis désolé. c'est dans mon album aussi. Mon Le Pen à moi. Mon Le Pen à moi. Il est pas celui que tu crois. Il est celui une chance au lieu de le tuer. Bon, si quelqu'un veut utiliser la voix de voilà. Pauline pour faire dans une vraie chanson. Dans des jouets, mais juste cette ligne de voix sur Le Pen. Non, mais tu vois, je pourrais me réjouir de la mort de Le Pen. J'irai pas voir ses proches et faire génial qu'il soit mort votre proche. Ah oui. C'est pas pareil. Non. Oui, non, oui. Avoir ce sentiment en soi de se réjouir, c'est ok pour moi. Tu penses que c'est ça ne culpabilisez pas. Un petit yes. Ne culpabilisez pas. Si, parce que je pense que c'est notre héritage genre religieux qui fait que on doit pas se réjouir de la mort des gens. Oui, c'est vrai. On peut. On peut. Chacun fait ce qu'il veut avec ses morts. Ouais. Est-ce qu'on a trop de raisons de se réjouir en France? Est-ce qu'il y a trop de régions en France déjà? Alors, c'est ça. C'est pour ça moi, qui il faudrait qu'il y en ait 2-3. Il faudrait qu'il y en ait 2-3. Mais il y en a combien? C'est mes problèmes de déglutition qui font chacun un nom d'un mec qu'on veut voir mort. Non. C'est le jeu, c'est marrant. Hyper sérieusement. Non, parce qu'après tout le monde va le plaindre, genre ah il est trop mort. Alors qu'en vrai, s'il vit mais qu'il lui arrive des petits malheurs, c'est plus simple, c'est plus jouissif. Oui, mais moi j'aime bien ça. Il leur arrive pas de malheur à ces gens. Berlusconi, il a vécu ça. Bon, vers la fin, il a vu une leucémie. Donc c'était peut-être pas la meilleure période de sa vie. Une leucémie. À la base, je vous demandais est-ce que font 34% des Français. Ah oui. Ils se réjouissent. Non, de la mort de personne. Les Allemands sont bien meilleurs que nous, ils sont 72%, mais les Italiens sont moins bons, ils sont 24%. Manger des saucisses. Mais arrête tes conneries, toi. C'est un rapport avec la santé? Pas du tout. C'est l'alcool? Pas du tout. L'hygiène? Non. L'écologie. Pas l'écologie. Le tri. Le tricot? Pas le tricot non plus. La gentillesse? Alors, la gentrification. Ah, le bonheur, un truc comme ça. Pas le bonheur, non. Là, vous dites des mots, attention. Hein. Voter, ouais, c'est vrai. Voter. Livre. Aspirateur. Pas le gène. Il vote, c'est pas sur le vote. Non. C'est pas politique. C'est dans la vie de tous les jours. C'est complètement. Sport. Alors, dans la vie de tous les jours, pour la et plupart des gens. Pas le sport. Un truc envers autrui. Oui, tout à fait. Ah. Une habitude que certains ont, que certains n'ont pas. La bise. Pas la bise. Dire bonjour. Sourire. Serrer la main. Se checker. Pas checker. Ah, se laver les mains. Tenir la porte. Pas se tenir la porte. Ah bah là, je sais plus. Prendre le métro. Non, pas prendre un le métro. Un truc qui est. C'est vraiment un truc que tu fais activement. Ah ouais. Vers quelqu'un d'autre. Ouais, poignarder. Il y en a qui. Non, ah bah, mais embrasser sur la bouche. Non. Bah, t'imagines, 34% des Français embrassent sur la bouche. Ça fait très peu. Ouais. C'est vrai que c'est débile de ma part. Arrête, non! Je fais partie. Non, c'est des... pas ce que je dis. Ah, j'en étais sûr qu'il allait s'infiltrer là-dedans. Il allait s'infiltrer. La commisération fait partie de mon humour, ma palette. Ils vont au restaurant? On s'approche. Et pizza? Non! Ils font. Non, ils font à manger chez eux. C'est pas possible que les Allemands mangent plus de pizza. Elle fait hey, pizza! Hey, pizza! Hey, pizza! Moi, je suis possédée aujourd'hui. Ils font la cuisine. C'est un truc qu'on fait au restaurant. Non, pas la cuisine, c'est un truc qu'on fait au restaurant. Le non, ils partagent l'addition. Non. Le tips. Putain, donner un pourboire. Ah. Mais après, ça dépend aussi de. Pardon, de mettre les pieds dans le plat. Oh bah. Pas au resto, hein. C'est pas votre plat, donc. Faites-le dans vos propres plats si vous voulez. Mais après, ça. L'impact est réduit parce que c'est votre plat. Donc, tout l'intérêt de mettre les pieds dans le plat, c'est créer une sorte de discorde. Encore la blague du plat. En vrai, faites-le dans le plat des autres. Je retire ce que j'ai dit. Je souhaite la mort de plein de gens. Ah voilà. Aux États-Unis, oui. On tipe beaucoup parce que ça n'est pas inclus le service dans. Bien sûr. Alors que dans d'autres pays, le service est inclus, donc du coup, tu tipes moins. C'est exactement ce que j'allais dire. Les voilà. Français ne sont pas réputés pour leur générosité lorsqu'il s'agit de laisser un pourboire. Cette réputation, bien qu'elle puisse être exagérée, semble le résultat d'un mélange de facteurs culturels et pratiques. En France, le service est généralement inclus dans le prix et de la note. Et désagréable. De ce qui représente environ 15% du montant total. Par conséquent, les Français n'ont pas l'habitude de laisser un pourboire, sauf s'ils sont particulièrement satisfaits du service, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. C'est pas genre « Oh, t'es super !»« Oh, bah, je donne un très gros pourboire !» Cette pratique est davantage perçue comme un geste de reconnaissance ou de remerciement plutôt que comme une obligation. En ce qui concerne le montant du pourboire, les Français se situent parmi les moins généreux en Europe, alors que les Américains laissent souvent 20% du montant de la note en pourboire et les Britanniques et les Allemands 10%. Les Français, Italiens, Espagnols préfèrent donner environ 5%. Préfèrent partir sans payer. Ouais. Enfin, en Allemagne, les pourboires ne se limitent pas seulement aux restaurants, mais sont également attendus par les chauffeurs de taxi, les serveurs, les coiffeurs et autres prestataires de services à hauteur d'environ 10%. Et vous laissez des avis sur Google, vous ? Alors, moi, j'ai déjà mis... Je lance des sujets aujourd'hui. J'ai mis des trucs. Je suis fatigué, tu me rends. Voilà. Non, mais on est une team. On est une vraie moi, team. Moi, sur TripAdvisor, mais que quand je suis très heureuse. Et sinon, l'autre fois, j'ai été dans un endroit, c'était vraiment des connards finis. Ils ont même marché sur mon chien, pour dire. Oui, ouais. Et, ils ont dû croire que c'était un paillasson. Oh. C'est écrit « Bienvenue sur son dos, son chien ». Oui, Bienvenue. Je l'ai tondu en welcome, il y a quoi. C'est bon, ça. En tout cas, j'ai failli aller les défoncer. Je me suis dit, c'est pas positif, c'est comme souhaiter la mort de quelqu'un. Ouais, ça m'intéresse pas. Alors, attention, je n'ai jamais dit souhaiter la mort de quelqu'un. J'ai dit se réjouir une fois qu'il est mort. Ouais, on a tous compris. Mais en tout cas, voilà. Mais j'ai eu une conversation récemment avec un ami qui me disait que noter comme ça les trucs et tout, c'était pas. C'était la ubérisation de la société. On c'est est qui tous ce pencu là? C'est celui qui amène des sandwichs au cinéma là? Non, lui c'est un ami de mon copain, c'est pas mon ami. Okay, mais je l'aime beaucoup par contre. Ah ouais. Moi je le non, fais pas, mon père le fait par contre beaucoup. Et des pourboires Non, TripAdvisor, des avis sur Google. Et c'est en fait, drôle à lire ou pas? C'est très très drôle. Okay. Parce qu'en fait, alors, il le fait oui, sur les. C'est Carlito. En fait, non. Non, non. Il passe en fait sur des aires d'autoroute ou même des départementales ou quoi, et il donne son avis dessus. Et à chaque fois, il en fait des éloges pas possibles. Asperger, je pense. non, parce que c'est des blagues quoi. C'est des blagues. C'est très drôle. Il dit l'aire d'autoroute de je sais pas quoi, il y a un avant et un après. Ah, j'ai rarement ressenti ça. C'est un petit père un peu farfelu. C'est vrai, il a un univers à lui. Ça nous fait un point commun. Toi, tu laisses des avis ouais, un petit peu énervés, non? Non, et bah, positif. Pas du tout, justement. Hey, oh, le petit perso. Toujours là où on l'attend pas. En fait, il est bienveillant avec les restaurants. Alors, vas-y, dis-nous alors, comme t'es bienveillant oui, avec les restaurants. À la ubérisation de la société. Évidemment, cet ami qui a dit ça ne consulte jamais les avis Google avant d'aller quelque part, j'imagine. Bien sûr que si, il le fait. Tout le monde le fait. Non, moi, je le fais pour lui, mais je le fais énormément. Tu le fais pour lui? Ben non, mais donc parce que moi j'aime en bien en tout anticiper. J'aime bien anticiper les voyages, par exemple, genre là en Corée, j'ai envie de savoir où il faut pas aller, tu vois. Mais ceci dit, bah donc tout l'intérêt des avis. Ma compagne ne le fait pas. Oui, bah, Clara, ça on en avait déjà parlé. Clara ne consulte pas les avis des trucs. Et un jour, elle a géré un déménagement à nous, et je regarde, je la laisse gérer le truc, et je regarde et je vois 1,4 étoile sur 5, et petite crise de panique quand même. Alors non, ceci dit, je crois que je l'avais déjà dans le podcast, bien mal m'en a pris, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire qu'ils étaient méga mal notés, mais notre déménagement s'est super bien passé. Est-ce les mecs avait ont été genre adorables. Une note? Non, ils n'avaient. Plein de mauvaises. Et après, oui. Non, c'était toujours pas énorme, c'était genre 14, mais c'est pas genre 400 notes. Et ça voilà, se trouve, mais c'est des gens qui sont ligués contre c'est lui. C'est possible. Mais en tout cas, c'était vraiment la veille au soir où je fais. C'est qui le déménageur? Bon, c'est terminé. Tous nos colis vont être volés. Et ça dépend le domaine. Moi, ça m'est arrivé avec un psychiatre. J'avais rendez-vous dans une semaine et je me suis quand même checké les notes et tout était horrible. Il était là, genre, alors, il est méchant, il est moi. Raciste, il est ouais, bon, tout. Okay. Bon, raciste, okay, c'est oui, toujours oui, difficile d'aller contre. Mais moi, je mets pas les pieds là-dedans, tu vois. Ouais, je vois ça, mais toi, t'es. Et t'entière. Il aura pas mon argent, le gars. Mais les psys, j'ai l'impression que tu peux les quitter très énervé face à un truc où bah, c'est moi, dur y a, de juger. Il y a un truc aussi, je pense que les gens qui vont chez le psy. Vu que c'est les sales fous qui vont chez le psy, je le rappelle. Non, mais en d'autres termes, je voulais dire, je pense qu'il y a potentiellement des gens qui sont pas bien dans leur vie et qui mettent beaucoup d'espoir et beaucoup qui projettent beaucoup sur le psy et qui déçus, potentiellement du coup ont un avis peut-être après, ça doit être dur raciste de... je pense que tu l'inventes pas parce que t'es déçu oui quoi. Je parle pas de ça évidemment non mais c'est très marrant ça existe le racisme mais tu sais. Faut, bien sûr le racisme anti-blanc tu veux dire mais c'est ça, enfin, ça c'est ce que tu disais en antenne donc je me permets de dans ton album qui va liker quand je regardais les avis c'est super intéressant parce que pareil il y avait un hôtel et donc moi en plus je suis encore pire que ça parce que je regarde les plus mauvaises notes pour voir ce que les gens critiquent. Ah, moi, je... Non mais tu oui, vois, non mais bien sûr. Voilà. Et c'est là où tu découvres des vrais tarés, tu vois, où ils font. Alors, excusez-moi, mais quand on marche sur la moquette, ça arrache le pied. Vous appelez ça de la moquette? Moi, j'ai pieds très sensibles. Tu fais oui, bon, tu es une merde. Ne sors pas de chez toi. Si c'est ça. Non mais après, je voudrais quand même revenir sur ce truc de notes. C'est vrai qu'il y a un côté. C'est bizarre comme système. Ah un bah, peu. Petit pouvoir. C'est même littéralement un épisode de Black Mirror. Ah oui, oui, mais en même temps, bah évidemment qu'on, oui, on consulte. Enfin, tu vois, on consulte tous les avis Google, des trucs. Il faut savoir pondérer. Effectivement, des fois, tu fais oui, bon bah là, c'est que des chieurs qu'on commentait et du coup. Mais on le fait quoi. Ça, et moi, toutes les fois où je l'ai fait, où la note était très bonne, le fait est que le. Souvent, ça s'est très bien passé quand même. C'est-à-dire, le resto était délicieux, l'hôtel était top. Le KFC le plus cool de France, c'est quoi Alors, je saurais pas te dire de France. Alors, je sais qu'à Paris, j'aime énormément. Mais en fait, ils sont en train de les refaire. Donc, ça, faut que je sois en train de faire de la pub pour KFC. Alors qu'on a oublié. Alors, il y a eu des pubs pour PMU. Désolé. Mais KFC, c'est chambé. Oui, non, mais j'adore. C'est ma, voilà, mais je pondrerai après, tu peux y aller. Je pondrerai parce que je me suis fait une petite remarque sur le KFC récemment. Ah, alors, je t'en prie. Qui était que si jamais ils sortaient, par exemple, une gamme poulet vegan, KFC. Je crois qu'ils le font. Hein. Ah ouais? Ouais. Et ben je n'irai pas. Parce que. Oui, il tue trop de poulet. Non, la chiasse. Ah, pardon. La diarrhée. Ah ouais? Je me dis. Pas, mais ah toi, non, mais. Tu dois avoir des grosses diarrhées. Alors. Non, moi, mon corps a assimilé. Non, ah oui, mais donc c'est horrible. Plus non, mais plus maintenant que je mange mieux. Et du coup, le KFC, quand il arrive, il est un peu surprenant. Mais à l'époque, je vais faire une petite pause. Mais à l'époque, j'en mangeais quasi quotidiennement. Ton corps, il fait. Non, ça va pas recommencer. Ouais, quasi quotidiennement. Genre, c'est une addiction, quoi. Ouais, je pense. Oh waouh. Et là, pour le coup, mon système attends, digestif avait. Tu viens de dire les termes. Non. Non mais bon. Je vois ça, mais. Et alors, vous pouvez m'expliquer ce que c'est, ça veut dire ratio. Ah. Bah le ratio. Paul, bah écoute. Pauline. Ouais, le petit Jones. Sur Twitter, par exemple, si tu fais un tweet ouais. et que la personne aime pas trop ton tweet, elle peut écrire ratio en dessous. Ah et bon si la personne qui écrit ratio reçoit plus de likes sur son tweet que le tweet d'origine. Il s'est fait ratio. Tu t'es fait ratio. Ah, c'est genre une compète un peu. C'est comme un dislike un peu, tu vois. Du coup, ton tweet fait office de dislike. Ouais, c'est un peu ça. Ok, putain, mais je comprends mieux tout ce que je l'ai lu sur Twitter ces derniers temps. Bah, franchement, si t'as plus de 18 ans et que tu fais ça, t'es trop cool. Ah ouais. Bah, non. Je vais essayer. Je vais le mettre sur n'importe quoi maintenant. Dernière petite question, après on passera aux recommandations culturelles. Ah tiens donc. Ce 19 juin 2023. Effectivement, il torche. Hein. On sait les faire. Ça fait 1h20. Hein. 1h20 qu'on parle. Mais enfin, non, mais et on s'en lasse pas. La vie ne l'attend pas, ce mec. Je suis d'une fatigue. Si vous saviez mon niveau de fatigue. Non, mais. C'est bâclé. Voilà. J'ai faim maintenant qu'on a dit KFC. Je crois que je suis allée une fois. Mais en effet, ça sentait le vomi pour te. Moi, ça me dégoûte. Je suis sûr que t'as plein de potes qui ont des mulets, toi. Mais ça sort d'où? Je suis sûr. Attends, c'était sûr. Ben, alors, j'en ai deux. Voilà, qui mettent des pantalons. C'est énorme, deux potes ce qui ont des mulets. Mais toi, c'est d'où ça sort déjà? Non, mais c'est Pauline. Tu essayes de me mettre en boîte? Pauline. Ça se voit. Parce que vous me catégorisez, genre, toi, tu crois que je suis une punk, en fait. Alors, moi, j'ai rien dit. Ah bon, non. Si. Parce que toi, tu dis souvent, tu traînes avec des gens, genre, on se pique à l'héros, en fait. J'ai pas dit ça. J'ai dit, tu traînes avec des gens qui amènent des croque-monsieur au cinéma, ce qui est ce que t'as dit. Oui, mais justement, littéralement. Ça, c'est pas. T'as un ça, pote c'est... qui a un monocle. Deux. Mais, un rat sur l'épaule. Bon, en tout cas, oui, il y a deux mulets, oui. Une fille ou un garçon. Et ouais. Si t'es. Oh, une fille, ça compte double en plus. Mais je sais pas ce que ça signifie. Parce oui, que, mais tu sais que. Oui, bon, bah oui. Ouais. Quoi? Non, mais moi. Mais ça fait quoi? Ils n'ont pas d'emploi. Des lunettes de soleil, elles sont en plastique ou en verre? Ils sont bien lotis en fait. Ils sont assez bien lotis. Non, mais c'est comme si moi on me disait tu pleures souvent, non? Je vais pas faire quoi? Pourquoi tu dis ça? Oui, bah oui, évidemment. Ah, trop mignon, je t'ai diagnostiqué chialeur peut-être. Bah, c'est ça. Florent, t'as dit Star Wars? Bah oui, évidemment. Je vais pas tomber des nues, on se connaît un peu, bon, évidemment okay, que bah, t'as cette vibe. Bah toi, tous tes amis aiment t'aimer pas là. Bon, bref, en tout cas. C'est un peu leur coiffure, ouais, je sais pas. Bon. Qui portent comme chaussures, j'ai pas les refs. Ouais, non, mais moi je l'ai, hein, c'est les Doc Martens. Ouais, ils doivent puer des pieds, tous. Tes amis. Non, mais tu pourrais dire, toi, je pense qu'aucun de tes amis n'aime ta BD par exemple. Ce 19 juin 2023, on célébrera le 16e. Enfin, on célèbre déjà, parce que là, c'est dans le futur, mais pour les gens qui écoutent, c'est le passé, voire le présent. Ouais. On célèbre le 16e anniversaire de quoi ? 16 ans. Mon avortement. Non. Oh. Quoi, c'est pas dégueulasse. Non, non. Bah, ah non, si tu le vis bien, tout. Disons que t'as 25 ans, c'est cool. Bah. Ah, mais voilà, c'était surtout ça. Le 16e anniversaire de la mort de quelqu'un ? Non, plutôt la naissance. Naissance, ouais. Donc les 16 ans de quelqu'un, quoi. De quelque chose. Ah, quelque chose. Les 16 ans de la naissance de quelque chose. D'un parc d'attractions. Non, pas d'un parc d'attractions. D'une récompense. Non. Trop bizarre. Comment ça fonctionne? D'une invention. Ça a été inventé le 19. Alors, un dessin pas une invention. Une fiction, personnage pas une fiction, de fiction. Pas une fiction. Un appareil électronique. Pas un appareil électronique. Un lieu. Non, pas un lieu. Un appareil à pile. Pas un appareil. Le floatcast. Ah non, c'est pas si vieux. Non, la moitié. Non, 8 ans. Bientôt 9. C'est déjà pas mal. Et bientôt 10 surtout. Et là, ouais. Attention, et après, la grosse fiesta qu'on va faire. On arrive sur TMC pour les 10 ans. Ouais. Avec Guillaume Play, je rigole. Bien sûr, plutôt crevé. Un truc qui est né en France. Mais qui existait le ailleurs. Le droit de vote des femmes, c'est sûr. Non, c'était avant. Mais qui existait ailleurs. Mariage de. Non, de pas mariage gay. Non, pas mariage et gay. Donc c'est les 16 ans. Oui. 16 ans. 2007. 19 juin. L'Odyssée de l'espace. C'était inventé, pardon, aux États-Unis. Mais là, c'est arrivé en France. Les hamburgers. Pas les burgers. C'est pas de la nourriture. C'était un peu avant. Attends, 2007, pas... les hamburgers. Ouais, ouais. C'est allemand, les burgers, d'ailleurs. Et oui, c'est pour ça qu'on dit hamburger. Comme handball, vous savez. Oui. On dit pas handball. Ou Angela Merkel. Ou Angela Merkel. J'ai fait du mansplaining, pardon. Ou Andy Raconte. Bon, Andy Raconte, pareil, elle est allemande. J'ai vu que t'avais regardé, genre... Ouais, je me dis putain, les auditeurs du podcast vont me tomber dessus. Mais c'est YouTube France, attends, c'est ans. Un partenariat là, parce qu'on en a rien à foutre de mais YouTube. Mais non, France. Mais le 16 juin 2007, Eric Schmidt, PG de Google, se rend à Paris pour lancer la version française de YouTube destinée à concurrencer les majors de vidéos français Dailymotion. À l'époque, personne n'y croyait, il faut le dire quand même. Les gens étaient sur Dailymotion en disant bah, Dailymotion, c'est géré par des Français, ils nous mettent en avant. Hein, mais YouTube France arrive et Google a également fait plusieurs promotions aux chaînes de télévision française, notamment à France 4, qui sera désormais diffusée sur YouTube en plus de la télévision classique. Les gens ont oublié ça. Google souhaite étendre son offre à d'autres pays européens. Si l'essai aboutit à une réussite en France, c'est évidemment ce qui s'est passé. Wow. Belle leçon. Est-ce que quel est votre plus vieux souvenir comme ça de YouTube, une des premières vidéos que vous avez regardées? Ah là, je sais que je lance un sujet. Est-ce qu'on peut pas le voir dans son histoire? Je pense que c'est compliqué. Ça remonte pas. Ouais. Moi, j'ai une playlist vidéo à voir plus tard où il y a des trucs hyper chelous. Dedans. Ouais, moi aussi. Ouais, parce je que comprends des fois, pas ce que parce c'est. Que tu misclicks, je pense des fois. Tu cliques un peu à côté. Je sais ce que ça veut dire misclick. Pour les auditeurs, si on n'est pas que nous, on est écouté par des milliers de personnes. Et non, moi, je crois qu'un des plus vieux trucs que j'ai vu, c'était un mec déguisé en banane qui dit I'm a banana. Je sais pas si vous vous souvenez, il faisait I'm a banana. Ouais. Ah oui, ça me parle. Il y avait des gens qui disaient I'm a banana. Ah, I'm a banana. Ah, ok, je vois très bien. Ça, c'était ça. J'allais tenter une harmonie, mais vous avez arrêté. Donc, Ta première vidéo sur YouTube. Moi, j'ai le souvenir d'une vidéo qui s'appelle Grapes in My Mouth. Oula, c'est un mec Grapes. Qui Grapes in My Mouth. Ouais. Vas-y, oui, vas-y, juge encore. Non, mais d'habitude, t'aurais dit Grapes in My Mouth. Excuse-moi, je suis étonné. On est revenu dans le mood du début, là, je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Buvez de l'eau. Et en gros, c'est un mec. Bon, c'est vraiment genre YouTube poop. Il prend des raisins dans sa bouche et il les recrache et il met ça à répéter. Pour moi, c'est YouTube que j'aime ça. Ouais, et c'était génial. Il y avait même un truc, c'était pas sur YouTube, je crois. C'était juste un site et c'était un lama sans pieds, enfin sans les pattes, mais en qui Photoshop. Hein. Et ça faisait oh lamastico, lamastico, lamastico. Ça j'aime bien. Autant la banane, ça me faisait chier, mais ça j'aime bien. Ah, lamastico, lamastico, lamastico. C'est un rêve que t'as fait. Quoi? C'est un rêve que j'avais de la fièvre. Ouais, la fièvre. Alors non, les auditeurs, ça va être comme les patins roulettes, ça. S'il y a du lamastico dans vos souvenirs, moi je me souviens lamastico. Mais ils vont inventer, si ils vont faire ouais, je me souviens grave. Ça y est, ça me dit quelque chose. Ah ouais? Le mot lamastico, je l'ai lu. Mais ouais, moi ça me dit un truc. Moi j'avais vu le même Lama Del Rey qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Bien sûr, à l'époque. Ça c'était maintenant, avant. Non, je trouve ça vraiment pitoyable. c'est une chanteuse, c'est un animal, bon. Ça a aucun sens en fait. Mais toi, tu te souviens pas de ta première vidéo YouTube? Non, je sais que je tapais première. Juste. Non, mais une des premières. Je tapais juste les clips. J'essayais de trouver les clips. D'accord. Il y avait les clips ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien mais sûr. En gros, moi, je me souviens quand j'ai découvert Google et que mon beau-père il m'a dit tu peux mettre ce que tu veux et moi je tapais Laurie, Jennifer et Chat Mignon et je faisais des dossiers sur mon ordi et mon frère il disait c'est mon tour et j'étais là je suis hyper occupée et j'avais juste des dossiers Laurie, Jennifer, Chien Mignon, Chat Mignon. Adrien, toi, parce qu'elle me répondra absolument jamais. Je sais pas ce qu'on parle. sais pas. Franchement, si, c'est les... dur parce que c'était intéressant. Ça aurait pu créer un peu de nostalgie chez les gens. Je sais pas si c'était YouTube. Bah, tu laisses-moi parler. Vous me posez une question. Je vous réponds sur Michel Leb. Vulgariser. Non, il y a les deux gosses qui dansaient sur Crazy Frog là. Ah oui, McFly et Carlito. Non. comment ils s'appelaient? Kenan et Kevin. Ah oui, ils buvaient tout le temps du soda à l'orange. Ça c'était autre chose, ouais. Ouais, ça rien. Mais à il y avait voir. Le petit qui est mort il y a pas longtemps, qui avait une tête un peu chelou et qui ah, avec ah oui, Kenan avec 50 Cent. Il avait 50 Cent qui sortait d'un placard. Ça c'est un vieux souvenir de YouTube. Et il y avait Numa Numa aussi. Oui. Le mec qui faisait Numa Numa. Et je pense que c'est avant YouTube ça. Et Chocolate Rain. Mais c'est avant YouTube. Oh, Chocolate Rain, je me rappelle. Putain, Chocolate Rain et le Star Wars Kid. Ouais, je me rappelle. Star Wars Kid. Et surtout, un des premiers rires, c'était le Nunchaku avec le gars qui fait un salto là. Qui ensuite essaie ouais. de mettre des. Je m'en souviens. Il fait un petit. Ah, juste avant, il fait. Et après, il. Ah, et c'est il tombe drôle. Très très bien. Trop marrant d'écrire des vidéos, je pense, pour les gens. Bon, allez. c'est bientôt la fin de cette émission. Avez-vous des recommandations culturelles à nous partager? Oui. Adri, miel pour les abeilles. J'en ai deux. Oh, enfoiré. Ah, mais donne-moi une. Non. Putain, j'aime pas les gens comme c'est, ça. C'est deux choses que j'ai déjà recommandées, mais ce sont des gens, ce sont des youtubeurs qui sortent de nouvelles vidéos et à qui j'ai envie d'envoyer de la force. Oh, j'aime leur contenu. La première personne, c'est ce bon vieux Sylvquin. Oh, j'en étais sûr que t'allais parler de lui, peut-être parce que tu parles savais, à chaque fois de lui. T'en savais rien. Si. Il est très fort. Qui voilà, il sort de plus en plus de vidéos sur sa chaîne que déjà je trouvais génial. Ils sont très bien et là il en a sorti une dernière sur un mec qui il a reçu les chèques. En gros, c'est du spam mais du courrier papier. C'était dans les années 90, je crois. Oui, 96. Et c'est une lettre qui dit hey, si vous investissez chez nous, voici un exemple de ce que vous pourrez gagner. Il y a un faux chèque avec le courrier, avec écrit dessus ne peut pas être échangé contre de l'argent, pour bien signifier que c'est un faux chèque. Et le mec a dit hey, je vais faire une blague à ma banque, je vais le mettre dans la boîte à chèque. Et sauf que le mec, le lendemain, il voit, il a 100 000 euros sur son compte. La banque a encaissé le truc pour de vrai. Et après, donc il raconte toute l'histoire de ce gars et tout. C'est trop bien. Et je trouve vraiment que il y a pas tellement d'autres chaînes YouTube qui fait ce genre de contenu storytelling et tout avec une telle qualité en France. Ouais. À part la chaîne de Sylvquin, j'en vois pas vraiment quoi. Non, il est fort. Il y a des gens qui sont très forts en storytelling, mais c'est globalement eux dans leur cam et la prod est pas dingue et tout. Là, c'est vraiment c'est très complet, ouais. Très carré. Il y a toujours une plus-value. Genre, il retrouve la personne ou. Bah là, il retrouve la personne, ça, il l'interview, génial, ouais. Tu vois. Je sais. Ah, j'ai regardé bien, aussi. Mais non, ouais, mais... et ça, j'adore. Enfin, c'est vraiment. Il y a des trucs en animation, il y a il y a de la mise en scène, l'histoire est bien racontée. Enfin, vraiment, je trouve ça trop bien. Alors, il le fait pas. Il a. Tient pas toute seule cette chaîne, j'ai oublié le nom de. Qui coécrit avec un certain Jules. Jules, voilà. Sylvquin. Voilà, et non pas Jules. Non. Ou alors il rappeur. Le dit pas. Ouais. Ou alors il est undercover. Très productif. Et il fait plein d'albums. Trop mignon. Ouais. Trop mignon ce mec, vous trouvez pas? Trop mignon. Vous connaissez l'acteur Pedro Pascal ou pas? Alors, moi c'est un daddy pour moi, mais après c'est perso. Moi, bah... Vraiment, il est trop cool. Bah, il est sexy et tout. Si je vois des gens avec le t-shirt Pedro Pascal là, avec le design un peu rétro, je les poignarde. Alors, j'ai vu un truc récemment, j'en avais pas vu depuis 2007. Non, mais non, enlève. Non. J'ai vu un t-shirt récemment. C'est trop négatif de dire qu'on poignarde les gens. Non, d'accord. Ça va. Je rigole. Ça dépend comment c'est interprété. Mais... Franchement, mettez ce t-shirt si ça vous apporte de la joie et ça me fera plaisir. Mais je penserais que vous êtes ridicule. Oui, mais après, c'est comme souhaiter la mort des gens. On peut le faire et avoir cette pensée, mais ne pas la projeter envers. J'ai vu récemment, près d'un bar. Enfin, je peux finir mes phrases ou c'est trop pour toi? C'est incroyable, il m'a chevauché. Ta fille, c'est dans 30 minutes. Non, c'est dans 25. Oui, c'est vrai que c'est bientôt. Allez, vas-y. C'est pas loin. J'allais dire, j'ai vu un truc que j'avais pas vu depuis au moins 2010. J'ai vu un mec avec un t-shirt avec Chirac qui saute par-dessus le métro en disant avec le truc chichi. Ou oh, je connais le mec qui a fait ça en plus. Ah ouais, il y en a plein, non? Bah, il a fait beaucoup de thunes à un moment et ça s'était un peu arrêté. Et là maintenant c'est si, c'est écrit en dessous racaille ou un truc comme ça. Tu vois qui c'est? Oui, bah voilà. Rookix. Et voilà, c'est ça. Non, c'est pas elle. Non, elle, franchement, c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait. C'est pas la. Et vous, il y avait aussi un moment la mode des doigts des stars ou une petite moustache. Bah, ah ouais. Sur le doigt, voilà. Et avec Kate Moss. J'ai jamais eu ça. Toi, c'est sûr, t'as eu ça. Toi et tous tes amis. Et bah, je t'emmerde, non. Non. Bah, excuse-moi. Tu essayes de me. T'as dit que ses amis avaient des mulets. Catégoriser. C'est vrai, j'accepte. Vous mais aviez par pas contre, ça. Rappelons quand même que tu travaillais à la Villa Schweppes. C'est vrai. T'avais pas la mèche et le t-shirt Kate Moss. J'avais la mèche. J'avais pas le t-shirt Kate Moss. Et la tectonique, tu te donnes à cœur joie. Ça a duré une semaine chez moi. T'y as goûté. Le t-shirt Kate Moss où elle se cache les seins et où elle fait un doigt. Bah, il y a ça, mais il y a aussi celui où elle fait comme ça, non? Ah et ouais, oui, je mets les ronds sur mes yeux. Et attendez, il y a un truc de fou. Est-ce que c'était que quand? Mais est-ce que vous aviez des joggings avec des inscriptions asiatiques juste sur le haut de la poche? Il parle. Ah, non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Alors, c'est que un truc dans le marché. Il de essaie de lancer un truc et il veut voir si ça nous plaît ou pas. Non, mais peut-être. Non. Tu sais, moi quand je fais ça et que je me tape un énorme four auprès de Adrien, je fais. Mais peut-être des auditeurs, ça vous parlera. Et souvent, on retrouve des gens qui nous choquent. J'aimerais bien savoir si c'était que vieux dans le nord comme les pierres. Évidemment, je connais. J'ai pas les mêmes règles. Honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un jogging vraiment avec une bande blanche sur tout le long. C'est Adidas, ça, par contre. Ma deuxième reco culturelle, c'est la dernière vidéo de Patrick Beau. Oh, le Pedro Pascal français. Absolument. Putain, j'aurais trop aimé la trouver, celle-là. Sa chaîne Axolot fête ses 10 ans. Bon anniversaire, Axolot. Il fait des vues, lui, j'imagine. Oh, lui, ça cartonne. Bon, alors, est-ce que t'as pas une deuxième recommandation, peut-être? Il est devenu un prof qui parle plus. On va faire la police pendant 15 minutes. C'est vrai que ce serait un bon pion. Il serait un très bon prof. J'ai été animateur de centre de loisirs. Mais pas pion. Oui, tu l'as dit l'autre fois et t'as eu le cul dilaté. C'est vrai, t'as parlé de ça aussi. Ah oui. Avec ton grand trou de balle qui résonne. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. C'est vrai. Un autre titre de mon album. Est-ce que quelqu'un t'a diagnostiqué après le grand trou de balle qui résonne? Alors ça, c'est très sérieux. Ah ouais, là, t'es HPI, là, mon pote. Grand trou de balle. Donc, Adrien, pardon. Patrick Beau. T'avais des hémorroïdes? Oh non, écoute les épisodes parce Patrick que Beau, c'est Patrick terrible, Beau. J'en ai là actuellement, c'est terrible. Des hémorroïdes t'en as? Tu sais que c'est à vie? Bah c'est bien ce qui me semblait parce que j'en avais il y a 2-3 ans. C'est cyclique. Et là ça... Ah bah voilà. Et c'est terrible, je viens de te casser le moral. Ouais putain mais... Non mais après ça se soigne maintenant, non? Et là pas. Faut que j'aille chez le... Peut-être tu peux te faire opérer, j'en sais rien. Faut que j'aille dans un labo, 3 jours. Chier. Et non, je vais chercher un réceptacle pour mettre ma merde. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Oui, mais je le ramène chez moi. Je vais pas chier là-bas. C'est ça que je veux dire. Non, et t'amènes je le ramène la chez chiant. Moi et je ramène ma merde là-bas 3 fois pendant 3 jours. Et la même merde? Non, une. Non, chaque une autre matin, merde. Non, une je merde. Découpe pas la merde en 3. À chaque matin, c'est pas ça que je fais. Avec un couteau à merde. Une nouvelle merde. Une nouvelle merde. À chaque jour suffit sa merde. Je connais cette chanson. Et bref, ça fait 3 semaines que je dois y aller, évidemment j'ai une flemme immense. Mais j'avoue que c'est des trucs gênants, mais qui peuvent te sauver faire souffrir au quotidien. Ouais, juste mais là parce ça va que mieux. C'est gênant. J'y vais plus. Bah, attends, ça a combien de temps de chez toi? L'endroit où tu dois déposer ta merde? En face. Ah bon, ok. Ouais. La c'était dernière un peu vidéo marrant s'il y avait 20 minutes. Patrick Beau, pour fêter les 10 ans de sa chaîne, qui est allé dans la grotte de la salamandre. Je ne connaissais pas ce lieu. Ah, c'est là où tu peux. Pardon, tu vas ça raconter la vidéo. Ça doit être une toute vidéo. Petite grotte si une salamandre y vit. Figure-toi que c'est l'inverse exact. Ouais. Et arrête de me couper. elle est immense cette grotte. Elle fait la surface d'un terrain de foot. Et le plafond fait 50 mètres. Et à 50 mètres, c'est immense. Il y a des formations. C'est grand, 50 mètres. Il vole, Patrick, dans cette grotte avec, putain, ça s'appelle un ballon plume ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. C'est une sorte de zeppelin un peu. Une en sorte de petit. Zeppelin avec des ailes dessus. Ouais. Et vraiment, il est accroché dans ton dos et tu peux voler c'est comme Zelda, ça. Comme le jeu. Allez voir cette vidéo, c'est très beau, comme à chaque fois, Patrick. Son sourire d'enfant alors qu'il est en train de voler dans sa une narration. Grotte qui fait plaisir. Allez voir et allez voir toutes c'est les fou. Autres. Et on vole et ils volent en vrai, parce qu'en ça fait ça a l'air fou ils mais volent. Oui, allez voir ça. Et ils volent parce qu'en fait la grotte oui est protégée et que tu peux l'abîmer quoi. Enfin c'est ça, c'est ce truc là que tu sûrement, peux pas mettre. Sûrement. Il le raconte pas. Tu mets non non, c'est que tu peux pas la toucher, c'est pour ça que tu te tu fais semblant de s'intéresser là. Non, pas non. Du tout. Non. Vous, là vous deux vous êtes deux merdes pour moi. Les deux là, attention. Hein. Peut-être les je vous adore mais les deux pires invités peut-être. Et les meilleurs en même temps. Et les meilleurs. Et attention, on a reçu c'est vous dire. Oh non mais mais quoi ? Je sais pas qui c'est. Bon, horrible invité. Léopold. Oui. Une recommandation culturelle. Ah, s'il t'es te plaît. Là, tiens. Tiens donc, toujours là, celui-là, dans les bons coups. Je peux vous recommander un film que j'ai vu il y a pas très longtemps sur Canal+, qui s'appelle Close, un film de Lucas Daunt. Ah oui. D-H-O-N-T, je sais pas comment ça se prononce. Il et est close belge. Comme fermé. C-L-O-S-E. Exactement. Ouais. C'est lui c'est qui a fait Girl. Exactement. Ouais. Hop là. ça a eu le prix du jury à Cannes il y a. Un ou deux ans, 2022, donc il y a un an. Voilà. Ouais. Et alors c'est super, c'est très dur, Ouais, je crois donc, que c'est vénère. Je peux pas dire pourquoi c'est dur parce que sinon je spoil tout. Ouais. Mais bon, mais, c'est dur. Mais en, voilà, j'ai vu un dimanche soir, ça allait pas très bien. Enfin, j'étais pas dans le meilleur mood de, du mais monde. Mais le sujet, c'est quoi? C'est le harcèlement? Ouais, c'est exact. Ça, hein, parce que... ça, ça parle un peu de ça. Mm. Ouais. Mais c'est pas le truc qui est le plus dur dans le film. Enfin, okay. Voilà, j'en dis pas plus, mais effectivement, c'est deux petits garçons qui sont amis. Plus, on sait pas trop, mais bon, bref, ils mettent pas le mot dessus dans le film, mais justement, c'est très bien. Ça fait chialer, quoi. En tout cas, ils sont proches, et... quoi. Ouais. D'où le titre. Exactement. Oui, bilingue. Et donc, bilingue voilà, je vous le conseille de regarder si vous avez un bon petit moral, sinon, passez votre tour. Ouais, voilà. Ah, mais c'est marrant parce que moi, c'est presque l'inverse. Ah ouais. C'est-à-dire que quand je suis pas bien, je mate un film bien déprimant, et là, je suis tout au fond, et après, hop là, je peux remonter. Alors que si je suis pas bien, regarde une comédie. Me la gâche un peu la comédie. Bah oui, tu vois, et t'es là, ah, ils sont grave heureux et pas moi. Ouais, cool. J'ai un truc de. Ça dépend. Comme moi, écouter des chansons tristes un peu, tu sais, je me morfonds dans mon truc. Et ah, après... ça, quand même, je comprends les musiques, ouais. Ouais, grave. Mais j'ai un peu pareil, moi, avec les films. Toi, Adrien? Ça dépend. Moi, quand je vais pas bien, je pense que je regarde une comédie, mais une comédie que j'ai déjà vue et que j'ai. Ouais. Et du coup, il y a un côté réconfortant. Là, je genre une doudou. Didier. Un film de chevet, quoi. Didier. Je regarde Didier. Oh, Didier, il ressort Astérix et Cléopâtre au cinéma. Je suis trop chaud pour y aller. Ça m'a donné... ça, j'ai vu la bonne annonce. Remasterisé, non? Ouais, ouais, mais en fait. C'est fou, ils l'ont même pas sorti en Blu-ray à Mission Cléopâtre. Il existe qu'en vieux ta DVD. Fille ou elle est trop petite? Non, elle est trop petite. Elle est trop petite pour elle les sièges. Trop petite. Moi, je peux dire une reco ou. Ah bah j'allais y passer. Quand il y aura Idéfix, elle fera wouh wouh wouh. C'est vrai. Johan, dès qu'il y a un chien, elle limite. Je lui montre une photo de Francky sur mon téléphone et elle fait wouh wouh wouh. Ouais, elle dit chien. En fait, elle a un hooligan en fait. Non, mais elle a un truc très marrant, c'est qu'elle sait pas dire le chien. Oui. Elle se sent obligée de le hurler. Elle fait chien. Genre, vraiment, elle mais ça, elle dit juste à Adrien que c'est un chien. Chien et chat. Elle fait aussi chat. Et vraiment, elle hurle. Et après, elle imite le chien. Elle ne sait pas imiter le chat. Et je l'ai mis en story à mes proches. J'ai un check secret avec ma fille. C'est bon, quoi? Ça va, j'ai adoré. Hein. Clac et wouh. Comme ça, il enlève les bras. Pas hyper original, ça. Mais mignon. Ah quand non. Même. Après. Pour ma défense, elle n'a pas 15 ans, mais un an et demi. Ouais, ce qui est quand même. Un an et demi, ah ouais, elle est les très zèbres. Petite. Non, vraiment, c'est fou. Ah, en vrai, j'ai halluciné qu'à cet âge-là, tu puisses faire ça. Caca dans sa litière et tout. Hein. Non, là, elle chie bien dans son ventre, mais elle nous prévient quand elle fait caca. Et ça, c'est cool. Elle chie bien dans son ventre. Elle s'arrête, et ce qui est très marrant, c'est que. Elle pousse. Quand un bébé pousse, bah vraiment, c'est très visible. Alors, elle se bloque, elle devient rouge, elle fait. Et donc, elle fait ça, et après, elle fait. Caca! Et on fait oui, bon, ça. Ah oui, on avait l'info. No spoiler en vrai. Oui, je m'attendais pas. Excuse-moi, Florent, là je vais me déplacer. Je vais aller. Oh, je me sens pas bien là. Je sens que ça farce un petit peu. Pauline! Non, mais en une vrai, j'avais pas culturelle. Préparé. J'avais pas c'est préparé. Pas grave, t'inquiète. Mais je tiens à dire que je suis allée voir il y a quelques temps Les Gardiens de la Galaxie et que je n'ai jamais autant pleuré. Le 3. Le 3. Moi, le spoilez ouais. pas, s'il vous plaît. Non, mais juste, aller voir. Y a pas de problème. Mais toi qui aimes un peu les animaux. C'est très dur émotionnellement parlant et j'ai pleuré vraiment de la minute 1 ouais. à la dernière minute sans interruption, mais genre c'était ridicule. Ouais. Genre je suis sortie de morve, de larmes et tout, et je me suis dit peut-être il y a un souci dans mes médocs, il y a un truc. Et j'ai regardé mon copain, il était en larmes aussi, et le mec à côté il essayait un peu de tenir la face, mais il était pas bien. Il devait faire des croque-monsieur donc il est. Non, c'était pas le même. Zéro croque-monsieur à l'horizon, mais vraiment, c'est pas drôle ça. Ah, si, c'est zéro croque-monsieur à l'horizon, si, quand t'es drôle, t'es drôle. Non, mais dites-moi, je note. Tu sais, t'es drôle quand t'es pas agressive, hein, tu sais. C'est, tu devrais exploiter cette voix. J'ai des traumas. C'est un peu tard parce que c'est la fin de l'émission, mais. Bon, je serai là dans 2 semaines, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Et vraiment, c'est très drôle, ouais, c'est très beau et c'est très émouvant. Ouais, j'ai hâte de et depuis, bah, comme tout le monde, je suis pas obsédée par Pedro Pascal, mais par les raccoons. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est génial ce film. Ouais, non, c'est et oui, on m'a dit que c'était beaucoup axé sur l'exploitation animale. Ouais. Ce ouais. Genre ouais. De bah, PETA a félicité le film, je crois. Père merci. A répondu. J'ai des extraits de. Ah bah, vas-y, avis. Attends. Air de repos de l'Espignan. Il y a 7 mois, quel bel endroit. Décidément, la France regorge de vues imprenables. Et ici, les toilettes sont magiques. Je reviendrai en famille pour accrocher ma belle-mère à un arbre. Merci. Oh, la petite blague de daron à la fin. C'est une blague de daron. Ah bah ouais. C'est quoi la blague c'est connu. Donc, ma belle-mère. J'avais pas tout lu avant de le lire, donc peut-être que ça sera coupé. Hein, évidemment. Bah, rappelons que le père de Léopold est Olivier de Benoît aussi. C'est ça, il faut quand même remettre. Bon, merde, Pauline. Arrêtez avec vos streamers aussi. Merde, j'ai essayé de mettre une casquette, c'est ridicule. J'ai mis que j'avais un casque. Oh là là là. Attends, parce que moi de mon côté, dramatique. Je me rends compte que mon père est pas si drôle. Et que du coup, j'ai. Il faut qu'on parle. On va tout de suite arrêter l'émission. Mon père. Bon, et bah merci mais non, beaucoup. Franchement, rien que le concept d'avoir ouais, noté des aires de repos. Parking 2 du lac, parking gratuit de Villeneuve de la Rao. Parking bluffant de commodité, incroyable, plein de places pour se garer, l'un des meilleurs parkings de France et peut-être d'Europe. Voilà. Ah, mais ouais, si, c'est pas mal. Ça, c'est juste mignon. Honnête. Pour le moment. On préfère ça que la belle-mère accrochée à un arbre. Ouais, ouais, mais moi, ça, j'ai trouvé. Pour le ça moment, marrant. C'est le personnage le plus sympathique de cet épisode. Donc, que vraiment, tout va bien. Eh bien, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, yeah. Big Flo. Merci, Big Flo. Il s'agissait du Flo de Cast. Pardon.